un peu de pourriture noble en suspension. Il n'apparaît que sur la surface sensible de la pellicule photographique. Nous balayerons cette pourriture. Tu sens pas cette odeur de pourriture, là ? Ah mon Dieu, c'est ma mère. Pourriture. Ah, mais ton connard, Alberto, là, c'est une pourriture, tu sais. Le podcast Pellicule et pourriture noble se propose d'être le centre de recueil de tous ces films conspués, molestés, tous ces films curieux donc hypnotiques, tous ces sophnies, et de les remettre en lumière, de les analyser et d'apporter quelques précisions pour voir ce qu'ils auraient pu ou ce qu'ils auraient dû être, et voir aussi tout ce qu'ils ont de sauvable. Pour cela, votre hôte, Monsieur Gravelax, s'appuie sur toute la documentation disponible pour vous permettre, vous cinéphages, de revoir avec un esprit plus affûté ces bobines imparfaites, voire très imparfaites, mais appréciables. Bonjour, ici Monsieur Gravelax, bienvenue pour la deuxième partie de l'incursion de Pellicule et pourriture noble sur le film Baxter de Jérôme Boivin, datant de 1989. Beaucoup de choses ont déjà été dites dans la première partie de l'épisode, mais il reste quand même pas mal de choses justifiant le découpage de cette incursion en deux parties. Au programme, tout d'abord la partie supplément avec tout ce qui concerne en effet l'interview de Jérôme Boivin qui est comprise dans les suppléments de l'édition 2002 du DVD par Studio Canal. Une interview très enrichissante et pleine d'anecdotes comme vous allez pouvoir l'entendre. À cette interview va s'ajouter le point de vue de Patrick Reynal qui était jusqu'en 2004 le directeur de la série noire et à qui on a demandé son avis, notamment la comparaison entre le roman et le film. Et essayer à mon humble niveau de réagir à cet avis. Il y aura aussi dans cette partie supplément toutes les différences ou les apports du roman par rapport au film, du moins ce qui n'a pas pu être traité dans le déroulé du film, soit parce que différent, soit parce que déviant complètement du script original, donc ça aurait amené de la confusion. Il y a aussi une grosse partie consacrée aux avis et aux critiques que le film a recueillis, qui sont très nombreux, aussi bien par les professionnels que par les spectateurs lambda, comme moi. Et surtout, ce qui m'a étonné, c'est la provenance de ces avis. Qu'il y ait des avis francophones, ça semble logique pour le film, puisqu'il en est un. Mais comme je serai amené à le répéter, Baxter a été un film qui s'est bien exporté, notamment aux États-Unis, où il bénéficie d'une certaine réputation. Mais je reviendrai sur ce point. Sans plus attendre, nous allons donc passer à la partie supplément. Ah, ben voilà autre chose. Je vais essayer d'obtenir la participation de Charles à ce supplément. Pas mal de bonus qui t'attend. Vous savez, en payant un petit supplément, vous seriez couvert jusqu'à 4 millions. Et dites aussi à votre copain là, qu'aujourd'hui, pour arracher les gens à leur télé, ça suffit plus, les belles histoires. Faut leur montrer en supplément des scènes qui feraient dégueuler les singes du Jardin des Plantes. Alors pour cette rubrique supplément sur Baxter, tout d'abord, je vous propose de faire un point juste sur le titre original du roman, à savoir Hellhound, qu'on pourrait traduire tout simplement par Chien des Enfers, et qui renvoie en effet à la mythologie, un animal mythologique. Le Hellhound donc, est un chien surnaturel du folklore. Une grande variété de ces chiens sinistres ou infernaux se retrouvent dans les mythologies du monde entier. Généralement, un des traits communs, c'est leur fourrure noire, leurs yeux rouges incandescents, leur aspect fantomatique et la mauvaise odeur qu'ils traînent derrière. derrière eux. Selon la légende européenne, si une personne regarde un chien des enfers dans les yeux trois fois ou plus, elle mourra sûrement. Souvent, ce chien est le gardien de l'entrée du royaume des morts. Il chasse aussi les âmes perdues. Le plus connu, c'est forcément Cerbère, le chien à trois têtes. Mais il y a aussi d'autres types ou légendes. Je n'en cite que quatre pour pas faire trop long. Le Barghest, qui vient du nord de l'Angleterre, qui serait un monstre noir avec une dentition énorme et de grandes griffes. Il se nourrirait, selon la légende, de voyageurs isolés. Il peut prendre la forme d'un homme sans tête qui disparaît en flammes, ou aussi une femme sans tête, ou un chat blanc, ou un lapin, ou donc un chat noir. Le nom Barghest viendrait donc de la signification, si on le traduit en français, de fantôme de la ville. Il y a aussi le Bearer of Death, donc le porteur de la mort, si on prend un deuxième exemple, qui est un terme pour désigner le chien des enfers, qui serait aussi noir que le charbon et sentant le soufre. Ils ont tendance à laisser une trace brûlée après leur passage. Un peu, si on est dans le symbole, comme Baxter, qui après sa mort laisse une trace dans l'esprit, dans le psychisme de Charles. Ils seraient connus pour leur super force et leur vitesse. Il est plutôt associé au cimetière. Donc là, peut-être aussi, si on fait un parallèle avec le film, ça correspond peut-être à la décharge, qui est une sorte de cimetière des objets. Et on le voit plutôt aux États-Unis ou en Allemagne de l'Ouest. Il y a aussi le Black Chuck, donc le poil noir, le chien noir poilu, qui correspondrait à peu près au chien des Baskerville dans l'œuvre de Conan Doyle, c'est-à-dire un chien noir fantomatique qui serait donc dans le littoral du Norfolk de l'Essex, qui serait sans tête, qui apparaîtrait dans un tapis de brume comme un spectre hantant les cimetières, les forêts sombres, les carrefours, les bas-côtés. Ce chien de légende est relativement bénin, contrairement aux autres, mais il est relié à un événement en 1577 qui aurait créé à Bungay l'effondrement d'une église et la mort d'un homme et d'un garçon. Son passage serait attesté par des brûlures sur la porte qui seraient, selon l'homme d'église du coin, les empreintes digitales du diable. Il y a aussi le Dip, qui est un chien plutôt catalan, donc un chien diabolique noir, poilu, qui suce le sang des personnes. Et enfin, j'en rajoute un comme ça vite fait, mais très rapidement, le chien de Boulet, EY au bout, qui est un chien légendaire, inventé peut-être pour calmer les gens et les forcer à être dociles. Donc inventé par le pouvoir, par les hauts commerçants locaux pour avoir des gens qui travaillent en agitant cette peur pour les garder sous leur obéissance. Donc voilà pour tous ces chiens, on passe tout de suite à la décomposition des bonus de l'édition DVD de Studio Canal, et notamment la très belle interview de Jérôme Boivin, le réalisateur du film. Un petit off rapide de l'enregistrement pour dire qu'on se trouve vraiment dans les derniers moments, derniers instants avant la sortie de la deuxième partie de Baxter. J'ai fini un instant le nettoyage, ce qu'on appelle le nettoyage des pistes, différentes pistes, et il me reste encore celle-ci à enregistrer, à savoir que les hasards de la vie font que je me suis rendu à ma médiathèque, ça faisait longtemps que je n'avais pas remis les pieds, et il y a une nouvelle partie DVD Tech. Comme par hasard, qu'est-ce que j'y trouve ? Le DVD de Baxter, sorti par Studio Canal en mars 2002, et ce DVD, en plus de proposer une des meilleures copies disponibles à ce jour, voit figurer dans son menu, également en bonus, je l'évoquerai peut-être rapidement au détour d'une critique ou d'un avis qui viendra après, comprend une interview très précieuse de Jérôme Boivin, le réalisateur, qui est très complet, qui s'exprime de façon très concrète et très complète sur l'ensemble du projet. J'y ai trouvé beaucoup de recoupements avec mes propres recherches, mais je trouve important de laisser parler un des deux principaux instigateurs de ce projet, et comme le but est de donner une version la plus complète possible de cette œuvre, je vous propose donc tout simplement d'écouter ce que Jérôme Boivin a à nous dire sur le film. J'ai découpé, nettoyé son interview aussi pour parfois la rendre plus dynamique ou moins hésitante, un peu comme je fais pour moi. Voilà, il n'y a pas trop de secrets sur la fabrication d'un podcast. Et j'espère que cela vous contentera. Donc elle est rajoutée au tout dernier moment, puisque même quand j'ai enregistré la première partie de Baxter, je n'avais pas le DVD et les bonus en ma possession. On commence donc par le passage où Jérôme Boivin nous parle de son parcours et de comment le projet de Baxter est venu à lui. Patrick Godot, qui était producteur, connaissait Jacques Audiard, qui était scénariste à l'époque. Jacques avait vu mes films, mes courts-métrages, et donc on s'est rencontrés tous les trois sur cette base-là. Patrick Godot avait à l'époque le projet d'un film policier, sur lequel on a commencé à travailler avec Jacques Audiard. Et puis au bout de plusieurs mois, peut-être 4 mois, quelque chose comme ça, c'était bien, moi j'aime bien voir les films policiers, mais ça m'emmerdait. On était là, il y avait l'histoire, un flic, son adjointe, une intrigue, il fallait résoudre l'intrigue, et j'avais l'impression d'un trajet obligé, et je m'ennuyais, et je me disais, mais c'est pas pour mon... Enfin, j'avais l'impression d'aller au boulot le matin, quand on allait à nos réunions de travail sur le scénario. Donc j'ai eu une grosse crise existentielle et je suis retourné voir le producteur en lui disant « j'y arrive pas, tant pis, je dois pas être doué pour ça, j'aurais bien aimé, hein, mais je dois pas être fait pour ce métier parce que franchement, oui, je peux faire un polar normal, un polar banal, mais c'est pas ça que j'avais envie de faire lorsque je me suis dit « voilà, je vais faire du cinéma ». Et il était très surpris, Patrick Godot, et c'est vraiment tout à son honneur. Il m'a dit « qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre ?» Et donc Jacques Audiard m'avait donné à lire ce roman, Baxter, et je lui en ai parlé, et on a échangé le projet de polar contre ce projet Baxter. C'est un très très beau bouquin. Ken Greenhall est un monsieur qui écrit avec beaucoup d'élégance, et qui avait écrit ça dans sa jeunesse. Et à l'époque, le livre n'a eu aucun succès. Il l'a présenté dans toutes sortes de maisons d'édition aux États-Unis. Ça a été rejeté partout et les gens lui disaient « mais c'est pas comme ça qu'il faut écrire un roman, il y a des règles, pour plaire au public, il faut faire ci, il faut faire ça ». Ça l'a cassé, tous ces refus. Le livre a fini par être publié dans une édition de poche, mais il est même persuadé qu'on lui a caviardé son texte. On lui a changé son titre, parce que pour lui, ça s'appelait Baxter, et on a appelé ça Hellhound, qui a été traduit ensuite par Des tueurs pas comme les autres. Et puis ensuite, le film est sorti, mais très longtemps après, plus de 20 ans après. Et lorsque c'est sorti aux États-Unis, il est venu le voir, et il s'est dit, en voyant le film, il me l'a dit, moi j'étais très ému lorsqu'il m'a dit ça, il m'a dit, je me suis aperçu qu'en fait, c'est moi qui avais raison à l'époque, c'est ça qu'il fallait écrire, et les gens auxquels je me suis adressé n'étaient pas dans le vrai. Et je regrette, parce que bien sûr, ensuite, il essayait d'écrire d'autres choses telles qu'on lui avait conseillées, et ça n'a jamais marché. Alors, un extrait qui est très attachant, tout comme la personne de Jérôme Boivin, qui est très humble. Et surtout, je passerai juste après son interview celle de Patrick Reynal, qui était alors de la réalisation du DVD directeur de la série noire, et il le sera jusqu'en 2004, et qui, lui, est moins clément vis-à-vis du roman de Ken Greenhall. Mais j'y reviendrai à ce moment-là sur les petites nuances peut-être à apporter quand même au jugement de l'œuvre. Car finalement, même si elle est organisée différemment, elle présente quand même une grosse structure de base importante au travail de Jérôme Boivin. Je le répète, il y a eu encore une fois, de la part de Jérôme Boivin et de Jacques Audiard, un énorme travail d'adaptation et de transformation ou de réagencement du roman de Ken Greenhall. Mais la matière première est assez brute et tout y est quasiment. Donc ça procure un certain plaisir d'entendre que Jérôme Boivin rend justice à ce roman et qui nous décrit le parcours un peu maudit aussi de ce livre, tout comme le sera peut-être l'histoire du film et de sa carrière en salle et plus tard en vidéo. On passe donc rapidement au deuxième extrait, j'ai découpé encore une fois en petites sections, le plus gros morceau était justement celui que vous veniez d'entendre. Il y a donc un petit passage que je vous passe tout de suite sur l'expérience du tournage par Jérôme Boivin. Comme c'était un premier film, j'avais aucune idée de ce qu'allait être le voyage. Moi, je suis parti comme lorsqu'on démarre un court-métrage. Un court-métrage, ça se tourne. Enfin, moi, mes court-métrages, je les avais tournés en une semaine et à fond. Donc, j'ai démarré à fond sur l'énergie d'un court-métrage sans me rendre compte que je ne pouvais pas tenir ce rythme-là pendant 8 semaines, 9 semaines. Donc très rapidement, je me suis dit « oh là là, où est-ce qu'on va ?» Enfin, je me suis très rapidement aperçu que ce n'était pas comme ça que ça devait marcher. Donc il a fallu réadapter un petit peu tout, prendre d'autres relais et se réorganiser différemment pour que je puisse m'adapter au rythme et des techniciens et des autres comédiens. j'étais un peu déphasé, pour tout dire. J'avais absolument pas d'habitude. J'avais jamais mis les pieds sur le tournage d'un long métrage. Et donc, je ne savais pas même comment passer la communication à l'intérieur d'une équipe. Je n'avais pas l'habitude de travailler avec un assistant, je n'avais pas l'habitude de travailler avec une script, je n'avais pas l'habitude que lorsque je m'approche de la caméra, il y ait deux, trois techniciens qui tout de suite fassent obstacle et soient là à bichonner leur caméra avec des pinceaux et des trucs comme ça. Enfin, ça a mis un certain temps avant que je m'habitue. C'était difficile. Donc là aussi, pour cet extrait d'interview, rappelez que Baxter a été le premier film de beaucoup de membres de l'équipe. Parfois même pour certains, le seul ou un des seuls. Boivin y reviendra un peu plus tard sur l'idée que le film a été compliqué à monter, notamment du fait qu'il n'y avait pas de star en tête d'affiche. L'extrait qui suit intéressant, c'est l'ambiance qu'amène et que traîne le film, avec les lieux de tournage en Belgique, notamment Bruxelles, qui font beaucoup pour l'atmosphère du film et amènent une grande plus-value. Je vous fais écouter ça tout de suite. On a tourné ça à Bruxelles. Ce qui m'intéressait, c'est que c'est un pays bizarre pour nous, parce qu'on débarque là-bas en terrain conquis, on se dit les gens parlent français, c'est un peu comme chez nous. Et en fait, pas du tout, c'est un autre pays. Et il y a quelque chose qui ressemble à ici, en même temps, il y a quelque chose de l'Europe du Nord, c'est un peu anglais, un peu allemand. On ne sait pas franchement où on est, il y a un petit décalage qui était tout bénef pour le film. Et ça se sentait sur le tournage aussi. Donc une très bonne idée, une très bonne initiative de tourner en Belgique, avec des lieux de tournage qui peuvent paraître lugubres, ou même dans le décor, même quand il fait beau, on a tout de suite un élément qui contrecarre l'ensemble. Par exemple, être en plein soleil mais avoir une décharge comme décor, ou encore un décor de cuisine un peu kitsch, mais où l'ambiance n'est pas saine, puisqu'il y a beaucoup de non-dits, de sous-entendus, de mensonges, même par omission. Donc une très bonne production value, on va dire ça comme ça. On passe tout de suite à un autre extrait très intéressant qui est celui, surtout le processus d'adaptation du roman. J'en ai déjà beaucoup parlé, ne serait-ce que dans le déroulé du film dans la première partie, mais c'est toujours mieux quand c'est le principal intéressé qui en parle. Donc je vous passe ça encore une fois tout de suite. Le livre était écrit clairement en trois parties. C'est pas le modèle des trois actes tel qu'on l'enseigne à des générations d'étudiants. C'était trois parties très distinctes les unes des autres. Le chien chez la vieille dame, le chien avec le jeune couple et le chien avec le jeune garçon. Donc il a fallu faire avec, imbriquer les histoires et trouver une forme originale qui réponde à ce projet. J'ai cherché de temps en temps à être dans le point de vue du chien, de temps en temps dans le point de vue des humains. Et c'est vrai que le point de vue du chien, qui est un point de vue... animal, il y a quelque chose de brut vis-à-vis de la nature. Le chien, il est intéressé par les odeurs, il est intéressé par les autres animaux, et donc on suivait ça. Et comme il cherche à comprendre le monde qui l'entoure, il cherche, à classifier, il cherche à voir qui est le plus fort. Donc rapidement, pour ne pas paraphraser ce qui vient d'être dit, juste attirer l'attention sur le dernier point important, à savoir la perception que Baxter peut avoir des humains et le décalage qui est très bien décrit par ce que vient de dire Jérôme Boivin. On passe tout de suite, encore une fois, à un extrait très intéressant. Vraiment, cette interview d'un petit quart d'heure est une véritable pépite, puisqu'elle regorge d'informations et d'anecdotes très intéressantes. D'ailleurs, il y aura un extrait que je ne passerai pas, puisque c'est plutôt visuel qu'auditif, à savoir le rush des bouts d'essai des deux jeunes acteurs, à savoir donc... François Driancourt, dont ce sera le seul film qui interprète Charles, et Eve Zieberlin, ou Zieberlin, qui interprète donc Véronique, sa compagne féminine. Donc là, je vous passe tout de suite le moment de l'interview où Jérôme Boivin s'exprime sur, peut-être, on va dire, les difficultés de production, mais aussi et surtout sur comment ils en sont venus à trouver la voix de Baxter et tout le processus de création, et notamment une première piste qui semblait intéressante mais qui a été abandonnée. Je vous passe ça tout de suite. C'est dur de monter un film comme ça, un film où il n'y a pas de, par exemple, où il n'y a pas de vedette. Le personnage principal, c'est un chien. Il est confronté à un jeune garçon. Il y a des personnes âgées. Il y a un tout jeune couple. On ne pouvait pas mettre un gros casting là-dessus. Donc pour le producteur, ça n'a pas été de la tarte. Pour moi, de fait, l'écriture a pris un petit peu de temps, mais ensuite, ça s'est enchaîné assez harmonieusement. Il y avait un vrai enjeu pour le film à trouver la voix du chien. Et on a essayé des tas de choses. On a essayé des enfants. Je me souviens qu'on a passé beaucoup de temps avec un enfant qui avait une voix cassée. C'était très très attachant la manière dont il le jouait. Mais il n'était pas comédien malgré tout. Donc on avait des inflexions qui étaient bien à certains moments, mais ça, on n'avait pas la continuité, l'évolution du début à la fin, parce que ça, il faut que ça vive cette voix. Et on a trouvé Maxime Leroux, qui est un comédien vraiment formidable. Et on s'est enfermé plusieurs nuits en studio et petit à petit c'est sorti, c'est venu et c'est un élément vraiment déterminant, je trouve, dans le film. Propos vraiment très intéressant. On en vient aux deux points qui posent souvent problème dans le cinéma et pour les réalisateurs, à savoir de grandes difficultés que sont tournées d'un côté avec des animaux, de l'autre côté avec des enfants. On commence donc par le passage où il évoque l'utilisation du Bull Terrier pour personnifier Baxter et les conditions de tournage. Anecdote intéressante. La vedette, c'est le chien. Et lorsque, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un Bull Terrier, soudain, oui, ça a été un flash, parce que c'est des chiens quand même vraiment bizarres. Moi, ça me fait penser à E.T. un peu, ces chiens-là. Et c'est tout bon pour le film, parce que dans le fond, c'est une espèce de mutant, ce chien. Et ces chiens, les Bull Terriers, c'est des chiens qui n'aiment pas obéir. C'est des chiens qui n'ont pas de mémoire, c'est des chiens à qui c'est très très difficile de leur apprendre quelque chose. Donc pour le dresseur, ça a été vraiment compliqué. Et puis pour nous aussi, c'était compliqué. Parce que moi, c'était mon premier film. Le producteur Patrick Godot produisait son premier film. On avait sans doute sous-estimé la difficulté de tourner avec ce type de chien. On a explosé le budget de pellicule, mais très très gravement. Et ça rendait tout le monde très nerveux. Parce que, bah oui, on disait moteur, action. Et le chien ne partait pas. Et donc, on attendait, et la caméra tournait, et on se disait, qu'est-ce que je fais? Je coupe, je laisse. Et le dresseur disait, non, mais il va partir, tu vas voir. Donc on attendait, le chien ne partait pas. Enfin, c'est... Oui, c'était folklorique. Et donc nous en venons au passage sur le choix des enfants en tant qu'acteurs, avec notamment le choix de celui qui devra interpréter Charles, et qui a un parcours atypique, puisque Baxter sera son seul film, comme je l'ai déjà évoqué dans la première partie, et comme vous allez l'entendre, sur 400 postulants, c'est lui qui était choisi, alors qu'il n'était pas venu pour avoir le premier rôle, mais comme quoi on peut être l'acteur d'un film et parfaitement le réussir. Donc tout de suite l'extrait. J'avais fait pas mal de documentaires avant et donc je m'étais déjà frotté aux enfants sur les tournages. C'était assez agréable. Ils étaient attachants, les enfants qu'on avait trouvés. Et du reste, j'ai gardé des liens avec le jeune garçon qui joue le personnage principal. C'était pas quelqu'un qui avait l'intention au départ de devenir acteur. Il avait fait ça pour voir, il voulait être figurant sur un film. Parce qu'il s'intéressait au cinéma, il voulait voir comment ça se fabrique. Alors il avait envoyé sa photo, et puis il avait un visage intéressant. Alors on a demandé à le voir, il est venu, on lui a fait faire des essais. On a vu beaucoup d'enfants, hein. On a dû voir, je crois, 400 enfants. Et puis au bout du compte, c'est lui qu'on a choisi. Il était très très étonné, parce qu'il venait pas pour être comédien, il venait juste pour assister de loin à un tournage de film. C'est sa personnalité qui était déterminante, en fait, c'est ce qu'il était lui-même, ou du moins ce qui passait de lui, ce qui sortait de lui à l'image. Et il avait d'abord une intensité dans le visage et dans le regard. Il avait cette qualité de silence et on lui prêtait une intériorité qui pouvait être troublante lorsqu'on le mettait face au chien. Une anecdote qui, j'espère, vous a plu. On en vient au tout dernier extrait sur le message véhiculé par le film, du moins une partie. Et c'est un propos qu'on retrouvera dans beaucoup de critiques, dans beaucoup d'avis. Mais encore une fois, c'est toujours intéressant quand c'est le principal intéressé qui en parle. Ce dont on parle, c'est un animal qui veut devenir humain, et puis on a en face des humains qui parfois se comportent comme des animaux. C'est-à-dire, et l'animal qui veut devenir humain, un animal, il y a ce truc, tout ce rapport très primaire avec la nature, ça n'a pas de loi, ça n'obéit qu'au plus fort. Et en face, on a par exemple un jeune garçon qui s'affranchit des lois et est fasciné par... c'est un petit facho en devenir. Donc finalement, à un moment, ils se rencontrent dans leur travail. Trajet croisé avec l'animal. Il ne s'agit pas de délivrer comme ça, tout fait, bien enveloppé, une morale au spectateur. C'est un film qui est fait pour qu'on s'interroge, pour qu'on se pose des questions aussi. Et il y a une phrase qui, moi, me tira en avant lorsqu'on écrivait le film, c'est « n'obéissez jamais ». Des propos qui vont être donc repris par beaucoup de critiques, beaucoup d'avis, comme quoi le réalisateur a touché à son but. et qu'il soit dommage qu'il n'ait pas poursuivi sa carrière au cinéma beaucoup plus fréquemment. Car c'est quelqu'un qui avait certainement le souci de l'originalité, et malheureusement il était peut-être un peu trop en avance sur son temps par rapport au ton, au décalage qu'il souhaitait instaurer. Et c'est dommage qu'il n'ait pas pu s'exprimer plus souvent au cinéma. J'en passe donc au deuxième bonus qui sera beaucoup plus rapide. Dans ce DVD de 2002 de Studio Canal, il y avait aussi la présentation et la comparaison entre le livre de Ken Greenhall et le film de Jérôme Boivin, par Patrick Reynal, qui est notamment un écrivain et un scénariste, et qui a été le directeur de la collection Série Noire jusqu'en 2004, et qui s'exprime de façon assez dure sur la qualité du travail de l'écrivain. Et par contre, il n'est pas avare de louanges sur le travail de Jérôme Boivin et de Jacques Audiard. Donc je vous passe tout de suite l'interview, elle fait désormais un peu moins de 3 minutes, et je rebondirai dessus juste après. Le premier scénario de Jacques Audiard, c'est ce Baxter, réalisé par Jérôme Boivin, et tiré d'un roman américain qui s'appelle « Des tueurs pas comme les autres » ou « Hellhound », en anglais, ce qui veut dire « chien de l'enfer ». Alors, le roman de Ken Greenhall présente une particularité assez intéressante, qui est, il y a deux plans narratifs. Il y a un plan parfaitement neutre qui est donné à la troisième personne, ce qui se passe véritablement et objectivement dans le roman. Et un autre plan, qui est un plan assez curieux, qui est les élucubrations et les réflexions du chien Baxter. On imagine ce que ce processus, ce système, cette façon d'écrire et de décrire, aurait pu donner sous la plume d'un géant et d'un génie tel que Marcel Aimé. Le problème, en ce qui concerne le livre, c'est que Ken Greenhall n'est pas Marcel Aimé et que les élucubrations philosophiques de Baxter sont guère plus intéressantes que celles d'un marchand de robinets en gros. J'ai rien contre les marchands de robinets en gros, mais quand ils ne sont pas réputés pour la façon dont ils parlent de philosophie. Ce qui fait que le livre est un livre assez médiocre et qui ne tient finalement que sur ce système d'une action très violente, très meurtrière racontée par un chien. En revanche, le film de Jérôme Boivin est beaucoup plus intéressant. D'abord, il réussit à personnifier Baxter sous les traits, si j'ose dire, du chien. Un boule terrier, poil ras, rose, à la fois féroce et malsain, et un chien dont on se demande vraiment comment un gosse, une vieille dame et tous les gens qui s'y attachent peuvent s'y attacher. Le chien déjà installe dans le film, dès qu'il apparaît, une gêne. Ensuite, le dialogue, ce que dit Baxter dans le film, alors est-ce que c'est l'effet du film ou l'effet du livre, je ne sais pas. Ce que dit Baxter est beaucoup plus intéressant, tout au moins est beaucoup plus prenant, est beaucoup plus angoissant que dans le livre. Et puis ensuite, il y a l'histoire elle-même. L'histoire elle-même, c'est effectivement un chien qui est doué de réflexion, sinon de parole, et qui tombe amoureux de plusieurs maîtres dont les destinées vont être un plus ou moins catastrophiques, et qui finit par tomber dans les pattes d'un gosse, Carl, qui est un tortureur d'animaux et qui rêve d'une chose, de devenir grand et de torturer plus grand et de torturer les hommes. Et donc Baxter va devenir complètement inféodé à Carl, qui va en faire vraiment une bête à tuer, qui va en faire une arme, mais une arme contre rien, une arme au service de sa propre perversion. Et c'est, à mon sens, le moment où le film dépasse et surpasse de très loin le roman. On ne sent jamais ça dans le roman. On sent dans le roman l'idée d'un romancier qui a eu l'idée, tiens, je vais faire parler un chien, et puis hop, ce chien va devenir meurtrier. Chez Boivin, il y a autre chose. Il y a manifestement une intention philosophique, il y a manifestement une intention morale. C'est un film, c'est pas du tout un film sur la morale, mais c'est un film très moral. Et c'est pour cette raison que le film, pour une fois, arrive véritablement à dépasser et de très loin l'œuvre littéraire. Alors voici pour ces propos de Patrick Reynal, donc en 2002. Alors bien sûr, ces propos sont à mettre en parallèle avec les propos de Jérôme Boivin sur le roman, sur les qualités que lui y trouve, sur le rappel aussi des difficultés de distribution du roman, sur l'échec à l'époque de ce dernier, sur le fait qu'on a peut-être dépossédé aussi l'auteur de son roman. Eh bien, il faut quand même nuancer les choses, notamment sur le passage, par exemple, où Patrick Reynal parle des pensées de Baxter, qui sur le papier sont un bon concept, surtout comme je l'ai peut-être évoqué, quand les pensées de Baxter apparaissent aux yeux du lecteur, elles sont en italique, ce qui provoque un effet encore plus glaçant à la toute dernière page du roman, quand on voit que c'est Charles qui pense et que l'écriture est en italique également. Il faut dire aussi que quasiment toutes les pensées de Baxter sont retranscrites dans le film, mis à part, et encore une fois, il faut souligner tout le travail d'adaptation fait par Jérôme Boivin et Jacques Audiard, je ne le soulignerai jamais assez. Toutes ces pensées ont été mixées, remises en ordre, déplacées, remaniées, etc. Mais quasiment toute l'essence de l'esprit de Baxter qui est dans le roman se retrouve dans le film. À la toute fin des suppléments, je lirai deux monologues de Baxter qui ont été mis de côté. mais sur l'ensemble des monologues du roman, on va dire seulement deux ont été écartés. Donc, la matière première qui servira au film est présente. Il est vrai, et Patrick Renel a raison de le souligner, que le film donne plus de concret à l'aspect malsain et dérangeant du roman, et que Boivin a su apporter sa touche, a su s'approprier le roman, et n'a pas modéré ses efforts. Il ne s'est pas contenté d'adapter paresseusement le concept et d'exploiter maladroitement un bon concept de base. Et encore une fois, je le redirai certainement plus tard, on peut avoir des goûts et préférer telle partie du roman et telle partie du film. Et par exemple, le fait d'avoir cet épisode permet de remettre en équilibre ou en relief l'ensemble, puisque finalement les deux se complètent très bien. Si je prends juste une des principales différences entre le roman et le film, on peut prendre le cas de la représentation des parents de Charles ou de Karl, qui, de par leur passivité et le manque d'interaction entre eux ou des interactions maladroites, amènent peu de sympathie. Eh bien, on comprend peut-être que Jérôme Boivin et Jacques Audiard ont préféré leur donner un côté moins sympathique que dans le roman, puisque, et là ça n'engage que moi, avoir des Ferrer ou Fine, voilà, des parents de Karl sympathiques, comme dans le roman, ça aurait certainement fait doublon avec les Grafton ou avec le jeune couple. On aurait eu en fait pas forcément copies, mais des personnes avec des caractères assez proches, puisque aussi bien les Grafton que les Fine, si on parle en tant que couple, à l'intérieur du couple, ils s'aiment. Et donc, sur un film assez court au final, ça aurait certainement fait une redite. Donc il faut prendre l'ensemble en considération. Je termine cette partie série noire et Patrick Renal par la diffusion. Ça va faire un peu bizarre. Je vais m'auto-diffuser. J'avais donc enregistré il y a un mois. Quasiment toute cette deuxième partie était enregistrée avant la première. J'avais enregistré donc la notice qui se trouvait juste avant le roman de Ken Greenhall dans la collection Super Noir. Je vous passe ça tout de suite parce que sinon je vais me répéter. Et allez, on se téléporte dans le passé. Mais là, je vais me permettre, j'aurais pu le mettre ailleurs, je vais me permettre de reprendre ce qui est cité dans le petit mot d'accueil de la collection Série Noire dans le roman d'époque, en 1977. Alors juste pour info, le sous-titre donné au roman « Des tueurs, pas comme les autres » dans la collection Série Noire, c'est « Les dents du cauchemar ». Voilà, première chose. Et ensuite, rappelez aussi que ce roman, il est dans la collection Super Noir. Alors, c'était une collection précise dans la Série Noire. Et il y a un mot d'introduction qui nous dit « Parfois, la Série Noire, oubliant volontairement les règles que ses pères fondateurs lui ont judicieusement imposées, se permet des incursions dans un domaine à tantinet fantastique. Lorsque le livre en vaut la peine, c'est, croyons-nous, le cas de ce livre aussi. Certes, un chien qui pense avec des mots d'homme, ça n'existe pas, dira-t-on. Qu'en savons-nous ? Certes, un garçon de 12 ou 13 ans qui médite des meurtres aussi horribles que savants, c'est un peu fort. Quoi qu'il en soit, il y a gros à parier que ceux des lecteurs qui auront aimé ce livre éprouveront une certaine gêne pendant quelques jours à regarder leur toutou dans les yeux s'ils en ont un. C'est en tout cas ce qui nous est arrivé. Voilà. Donc, à l'époque, ce livre ne semblait pas si mauvais que ça. Bon, après, il y a eu l'adaptation en film et que le directeur de la Série Noire trouve le film plus percutant que le livre encore. Bah c'est très bien, c'est une adaptation très réussie. Mais de là à dire qu'il est totalement mauvais, il y a quand même autre chose. Donc voilà, retour au présent relatif. On a donc bien fait le tour des bonus proposés par le DVD de Studio Canal et qui ont donné donc un plus grand éclairage, je l'espère, et aussi sur deux personnes la multiplicité des avis, si ce n'est sur le film, du moins sur le roman. En ce qui concerne les suppléments, il nous reste désormais à voir ce que le roman avait encore en réserve, ou du moins ce qu'il a donné comme alternative à différentes scènes, et j'ai donc découpé l'ensemble selon les personnages et selon leur destinée. On en vient donc tout de suite à traiter Madame Prescott ou Madame Deville et sa famille. Pour ce qui est du roman et de ses ajouts par rapport aux personnages qu'ils vont creuser plus en profondeur, et que le roman est chronologique, je commence donc par traiter des nuances apportées sur Madame Prescott ou Madame Deville, le personnage de la première propriétaire de Baxter, et de son entourage immédiat, à savoir sa fille et son gendre. Pour ce qui est de Madame Prescott ou Madame Deville en elle-même, si on commence par le commencement, quand elle reçoit Baxter, elle le trouve affectueux et insouciant. On voit aussi, par exemple, qu'elle se fait une... Ça semble peut-être un détail, mais une côtelette de mouton qu'elle fait cuire. Pour un humain, c'est quelque chose quand même de plutôt appréciable, de la viande. Surtout chauffée, pas crue. Et on voit en fait que, aussi bien au niveau des sentiments de Baxter, affectueux, insouciant, et le fait que la côtelette de mouton soit bonne, eh bien on voit que le chien pense tout le contraire, et que Madame Prescott va être tout le temps dans l'erreur. Certainement du fait, et ça a déjà été évoqué, qu'elle a été peu empathique durant toute sa vie, et que c'est un peu tard pour s'y mettre. On voit aussi, avant qu'elle soit emmourachée de Baxter, que celui-ci dérange les habitudes matinales de Madame Prescott, on va dire sa routine, son réveil échelonné. Depuis la mort de son mari, elle ne doit plus penser qu'à elle seule. Elle redécouvre aussi une sensualité qu'elle n'exprimait pas ou plus dans son couple. Une sorte d'autosatisfaction, le fait qu'elle se trouve bien pour son âge et qu'elle prend le temps de s'occuper d'elle. C'est quelqu'un aussi qui se considère comme subtil, ce que Baxter ne pensera pas. Mais en fait, c'est surtout l'arrivée de Baxter qui va changer la donne, car elle avait avant lui ce qu'on pourrait appeler un temps matinal. C'est-à-dire un moment pour apprécier les choses. Or Baxter la presse à sortir de son lit le matin. Et on sait pourquoi, notamment le fait que la nuit est peu réparatrice pour lui, qu'il envie au fur et à mesure du temps le couple d'en face, et qu'il ne supporte plus trop sa vie dans la maison de la vieille. Si on se replace du côté de Madame Prescott ou Madame Deville, le chien lui amène des sensations qu'elle n'avait pas connues chez les humains, notamment dans sa famille. Elle pense que Baxter est content quand elle se réveille, et il la fixe avec une franchise qu'elle n'avait jamais vue chez un être humain. Et au tout début, elle se remémore, ça permet d'approfondir le personnage et de savoir un peu plus quelle était sa relation avec son mari. Et bien dans le roman, on apprend que ce dernier la regardait rarement dans les yeux. Elle a notamment un souvenir assez traumatisant de la première fois qu'il l'a vue nue dans cette chambre, et où il a mis 5 minutes à lever les yeux de sa poitrine, justement quand il a vu couler des larmes sur ses seins. Pour elle, Baxter la regarde sans l'insulter. D'ailleurs, elle enlève rapidement sa chemise de nuit, ce qui donne quand même un côté assez malsain. Ce côté malsain, on le ressent dans le film avec la scène de la baignoire. Là, quasiment dès le début du roman, on a des choses un peu bizarres hein, qui sont faites, assez malsaines, qui sont faites par Madame Deville. Et en effet, quand elle enlève rapidement sa chemise de nuit au matin, Baxter la regarde dans les yeux comme elle souhaitait que son mari le fasse. Elle trouve donc chez Baxter ce qu'elle n'a pas trouvé chez les humains, mais elle interprète mal les intentions et les sentiments du chien. On s'aperçoit aussi à la lecture du roman que Madame Prescott, que Madame Deville, trouve un certain plaisir dans les sensations inédites, comme la douleur à sa cheville droite lors de sa première chute. En effet, durant sa vie de famille, elle a eu une routine qui permettait peu d'innovation et de nouveauté. Là, même dans la douleur, elle trouve moyen de se réjouir, car elle découvre des sensations et des moments qui lui étaient inconnus jusqu'alors. Après sa première chute, elle doit donc abandonner, comme on l'a dit, le premier étage et sa chambre pour rester au rez-de-chaussée. On voit qu'elle est d'abord anxieuse d'abandonner l'habitude de toute une vie, mais finalement elle redécouvre quelque chose de familier. En effet, elle va se rendre compte que le premier étage représente les aspects répulsifs et peu attrayants de sa vie, tout ce qui a rapport avec sa famille. Elle va donc s'enfoncer peu à peu dans la misanthropie et dans la dépendance, ou effectuer un transfert affectif envers Baxter. Quand elle est en bas, elle a tout ce qu'il lui faut, puisque Baxter est devenu le centre de son univers. En effet, pour elle, il lui a sauvé la vie, et il l'a transformée. Et finalement, elle lui parle sans interruption. Une fois que le rapport dominé-dominant s'est mis en place, on s'est rendu compte aussi qu'elle se néglige complètement. Dans le roman, c'est un peu plus poussé. Elle ne porte plus de chapeau, qui était pourtant un signe d'importance pour elle avant. Elle ne se teint plus les cheveux. Et aussi, elle a peur d'afficher son bonheur avec un chien, de paraître excentrique, et donc d'avoir perdu une bonne partie de sa dignité. Et d'ailleurs, d'autres exemples de vieilles personnes ayant perdu leur dignité lui reviennent à l'esprit. Comme elle l'évoquait dans le film avec Françoise Gentilhomme, qui aurait perdu sa dignité à cause d'un caniche. Bon, on voit dans le film que c'est aussi par vengeance, puisqu'elle suppose que cette Françoise Gentilhomme a couché avec son mari et l'a cocufié. Dans le roman, on a des personnes forcément avec un patronyme britannique. Alors on a Madame Parrish, qui n'était jamais sans sa tiare et son cabas à provision. Donc pour Madame Prescott, signe de déclin. Monsieur Craig, qui passe 16 heures près des balançoires de la cour d'école. Voilà, un comportement un peu bizarre. Et Mademoiselle Pierre, comme le prénom français, qui met des bas nylon à couture et qui va s'asseoir au bar du Bluebird Lounge, donc une vieille personne qui a sombré dans l'alcoolisme public. Pour Madame Prescott, ces gens avaient changé parce qu'ils étaient seuls. Mais elle, elle n'est pas seule, elle a Baxter. Selon elle, il l'aime et ça ne peut pas être quelque chose de mauvais. Elle en vient même à pardonner à son mari défunt les écarts de conduite, les écarts infidèles qu'il a subis. Par exemple, on sait qu'il a trompé Madame Prescott avec une certaine Martha Bailey, mais que lui avait continué à négliger son apparence pour ne porter son attention qu'au bien-être de la personne aimée. Et donc, elle en conclut que Baxter se fout de son apparence et qu'elle peut se permettre d'être négligée. Une des scènes absentes du film, c'est la première tentative d'évasion de Baxter, qui profite que Madame Prescott part pour faire les courses et entr'ouvre donc la porte d'entrée pour partir chez le jeune couple en face, chez les Grafton. D'ailleurs, Baxter, dans son envie de liberté, manque même de se faire écraser par un camion de livraison en traversant la route. Et donc cela va amener une profonde tristesse chez Madame Prescott, qui va s'asseoir sur le bord du trottoir, qui va fondre en larmes et qui va se poser la question « Jusqu'où suis-je tombé ?» Pour elle, tout son voisinage a dû la voir. Mais il y a une chose qu'elle retient, c'est qu'elle désire avant tout être avec Baxter. Sa crise de larmes, elle est due au fait que Baxter a voulu la quitter volontairement et de façon réfléchie. Et elle ne pleure pas parce qu'elle avait peur de ne pas le revoir. La ville est une ville assez petite et il aurait été facilement retrouvé. Mais cette action de Baxter lui donne l'impression d'avoir reçu une gifle, et d'ailleurs elle se demande si elle doit le punir. Je reviendrai rapidement à ce qui se passe quand Baxter rentre chez les Grafton, juste dire que forcément ils invitent Madame Prescott à récupérer son chien, qu'ils ont un air désolé. Madame Prescott s'aperçoit aussi que ça fait 17 ans qu'elle n'est pas rentrée dans cette maison. Avant, elle appartenait au couple qui s'appelle les Castor. J'y reviendrai aussi rapidement pour le cas de Florence, la fille de Madame Prescott. Alors, qui au départ avait la même maison qu'elle, ils l'ont modernisée avec des lambris. Et finalement, ce jeune couple, elle respecte leur, entre guillemets, bordel organisé. Nancy, la jeune femme du couple, dit donc à Madame Prescott qui est dans le salon « Nous n'avions pas l'intention de kidnapper Baxter. Je suppose qu'il a été attiré par le bruit, puisqu'en effet, ils étaient en train d'écouter de la musique dans le salon. Il a l'air gentil. » Madame Prescott n'a pas de réponse et au départ refuse le café proposé par Nancy, mais cette dernière a pris les devants et donc Madame Prescott s'assoit. Elle est épuisée, puis elle se détend peu à peu en leur présence. La pièce n'est pas propre, elle n'est pas bien rangée, mais elle comprend que les gens puissent se sentir à l'aise dans, entre guillemets, leur désordre. Elle en profite pour regarder un des cadeaux que John avait reçu, un livre sur la peinture rupestre. Là aussi, j'y reviendrai un petit peu quand je parlerai des Grafton. Et donc, ce livre présente beaucoup plus d'animaux que d'humains. Et cela donne lieu à un mini-débat avec John sur le fait que les chiens ont des origines anciennes, qu'il n'y a pas trop eu d'évolution entre le moment où ils sont apparus dans la préhistoire et aujourd'hui. Et finalement, pour les hommes, ça semble similaire. Et on se demande finalement qui est plus primitif ou primaire entre deux, humains ou animaux. Pour John, ce sont les humains qui semblent les plus primitifs des deux espèces. Quand Madame Prescott revoit Baxter après son évasion, son cœur s'emballe. Elle ressent à la fois un mélange de plaisir, de colère et de jalousie, mais aussi la peur qu'il ne veuille pas revenir à la maison ou qu'il l'ignore pendant le temps où elle est chez les Grafton. Nancy, qui est assise à côté d'elle, appelle Baxter pour qu'il se rapproche d'elle. Elle dit à Madame Prescott qu'elle pense que Baxter a un peu honte. Elle lui répond qu'il doit croire qu'elle est en colère. Et au final, Baxter ne présente aucune résistance quand il revient chez Madame Prescott, à savoir qu'on est la veille de la mort de cette dernière. Et on est l'après-midi de la scène du bain. Alors Baxter ne montre aucune résistance, il reste au milieu du salon. Madame Prescott lui parle. Est-ce que Baxter a fui sa maîtresse? Est-ce que Baxter devrait être puni? Et donc on a la scène du journal, qui correspond à peu près dans le film à la scène de la pantoufle, qui est vite reprise par Baxter, et ça donne lieu à un dialogue. « Pardonne-moi, petit homme, comme je te pardonne. » Et l'auteur nous dit qu'elle n'avait jamais demandé pardon depuis son enfance. Elle conclut par « Il faut que je fasse quelque chose pour toi, pour que tu comprennes que je te pardonne. » Et c'est donc l'épisode du bain chaud qui va amener la colère de Baxter et le projet définitif de se débarrasser de Madame Prescott. Donc voici pour les principales différences par rapport aux principaux ajouts en ce qui concerne Madame Prescott par rapport au roman. Il reste à voir juste deux choses très rapides sur Florence, sa fille, et sur Jim, à savoir Roger Morel dans le film. Alors pour ce qui est de Florence, alors Florence Rapp de son nom d'épouse, ou Prescott forcément de son nom de jeune fille, Florence Morel dans le film, on voit donc que c'est quelqu'un qui est triste chez elle, Depuis sa chambre, elle a la vue sur le chenil. On apprend qu'elle a cocufié son mari avec un des employés du chenil, justement. Et donc, depuis ce temps, ce ne sont que des femmes qui sont employées pour éviter justement un nouveau cocufiage. Mais cela n'arrêterait pas Florence dans ses pensées, vu qu'elle trouve la fille employée très attirante. Donc, elle se verrait bien avoir éventuellement une aventure lesbienne si cet employé était intéressé. Ce qu'elle ne pense pas, parce qu'elle n'a pas très confiance en elle. Quand sa mère s'est foulée la cheville et qu'elle vient l'aider à sa maison, elle monte à l'étage pour chercher justement ce dont sa mère a besoin. Et des souvenirs lui remontent à la mémoire. Cela lui rappelle notamment qu'elle avait recours par le passé à une palette plus variée d'émotions, ce que ne lui procure pas sa vie actuelle. Elle se souvient également qu'adolescente, elle regardait les voisins de sa fenêtre, à savoir donc le couple Les Castors que j'ai déjà évoqué, qui étaient âgés mais adorateurs de leur corps. Aujourd'hui, il n'y avait plus personne pour regarder le jeune couple, à part Baxter, mais ça, elle ne le sait pas. Elle retrouve aussi une petite boîte dans une cachette secrète dans son placard de l'époque, où il y a donc des photos et des notes. On voit aussi qu'elle a un penchant pour l'alcool, puisqu'elle a une flasque dans son sac. Et en repartant au rez-de-chaussée, elle se retrouve nez à nez avec Baxter, quand elle se retourne, ce qui la fait trembler et traiter ce dernier d'affreux. Elle trouve ses chiens fantomatiques et menaçants. Donc elle a une aversion pour ce que fait son mari, parce qu'elle n'aime pas ses chiens. Donc ce dernier, donc Roger Morel en français dans le film, Jim Rapp, R-A-2-P dans le roman, on apprend que c'est un ancien joueur de baseball semi-professionnel qui a été reconverti dans l'élevage de chiens, alors affreux selon sa femme, et qui gagne désormais confortablement sa vie en exerçant cependant des activités peu définies. D'ailleurs, il a une carte de visite sans profession précisée dessus, ce qui semble louche. Par rapport à sa belle-mère, il lui donne envie de sourire. J'avais déjà évoqué le fait que Madame Prescott ou Madame Deville a un rapport un peu ambivalent à son gendre, entre mépris et affection puisqu'il la rassure. Pour en finir avec lui, on peut dire aussi qu'il a une philosophie de vie un peu spéciale. Pour lui, il vaut mieux ne pas avoir de principe du tout qu'en avoir de mauvais. Il y a aussi le fait qu'il préfère la compagnie des chiens puisqu'ils sont gouvernés par quelques facteurs très simples. La nourriture et l'absence de douleur. Et d'ailleurs, c'est ce que lui reproche sa femme, le fait que finalement, il traite les humains comme des animaux, comme ses chiens. Notamment le rapport mâle dominant dont elle le traite assez souvent. Donc voici pour Jim Rapp. Partie suivante, pour voir les interactions entre Baxter et le jeune couple, alors Grafton. On sait que l'homme s'appelle John Grafton, qu'il a 25 ans, donc c'est Jean dans le film, ils n'ont pas de nom de famille défini. Dans le roman, on voit qu'il aime la routine et qu'il n'était pas partant pour célébrer son anniversaire car ça dérange le cours des choses et son train-train quotidien. Cependant, Nancy, ou Noël en version française, a insisté pour qu'il n'aille pas travailler et elle lui a servi le petit déj au lit, des œufs brouillés, saupoudrés donc d'herbes au goût bizarre. Chaque anniversaire, elle lui offre 5 cadeaux, un par sens. Dans le roman, c'est donc pour la vue 2 livres trop grands et trop chers sur les peintures rupestres, ceux dont je vous ai parlé qui avaient été observés par Madame Prescott. Pour Louis, une nouvelle édition d'un ancien concert des Beatles, ce qui va faire plaisir à John puisqu'il aime bien qu'on lui rappelle le passé. Pour l'odorat, une lotion après rasage dont il ne se sert jamais et qui lui rappelle l'atmosphère assez lourde d'un salon de coiffure qu'il fréquentait quand il était étudiant. Pour le goût, une machine à faire le beurre de cacahuète dont il ne pense pas se servir également. Et pour le toucher, une pierre de touche, ce qui va lui faire plaisir. Le dernier cadeau, c'est Nancy elle-même, puisque tous ses sens sont satisfaits quand ils font l'amour. Et généralement, à l'approche de son anniversaire, le couple avait peu de rapports les quelques jours avant pour dire d'avoir justement des rapports prolongés et subtils le jour dit. Comme je l'ai évoqué également dans le déroulé du film, ils ont peur que le sexe ait une importance trop grande entre eux et qu'il n'ait pas vraiment grand-chose en commun. Et donc, le fait que Nancy soit désormais enceinte amène des interrogations pour leur vie de couple dans les mois à venir. Ça va être une véritable épreuve à surmonter. Donc ce même matin de l'anniversaire de John, ils descendent écouter le nouveau disque pour danser. C'est Nancy qui s'y colle, puisque John préfère les danses de couple et pas les danses solitaires qu'il juge trop extravagantes. Mais bon, il se laisse emporter et rejoint Nancy pour danser lui aussi. D'un seul coup, il sent une forme blanche le frôler. C'est le chien de la voisine, c'est Baxter, qui est joyeux et qui semble chercher à se joindre à leur danse. Il va se ruer sur Nancy, qui essaye de le faire danser, comme dans le film pour la scène d'anniversaire. Donc on voit le processus de transformation ou d'adaptation d'une scène du roman à placer dans un autre endroit du film. Et donc Baxter retombe, John essaie de l'attraper par les pattes arrière et tombe par terre. Il va être léché par le chien, ce qui fait partir Nancy dans un fou rire hystérique, et John s'aperçoit qu'il a des égratignures au niveau du torse. Baxter aussi, une fois qu'il s'est occupé de John façon de parler, saccage la robe de chambre de Nancy en étant agité et heureux. Cela agace un peu John, car c'est un des cadeaux de Noël, cette robe de chambre, qu'il a fait à Nancy au Noël précédent. Mais cependant, encore une fois, il est heureux assez vite de la joie provoquée par l'arrivée du chien, qui va représenter une forme d'imprudence que lui ne peut offrir à Nancy, puisqu'il est très routinier. Donc Nancy a aussi la poitrine striée de rouge et un sein nu. John appelle Baxter et le caresse. Nancy donc sait que Madame Prescott le chouchoute comme un enfant. Elle s'est bien amusée, puis John aperçoit sa voisine qui pleure, Madame Prescott qui pleure sur le trottoir. Ce qui va faire dire à Nancy qu'elle a perdu sa dignité, qu'elle a disparu. Et John va dire « Baxter l'a emporté avec lui ». Réponse finale de Nancy « Pas emporté, elle lui en a fait cadeau ». John prévient Madame Prescott que Baxter est présent. Ce dernier la voit se lever du trottoir et venir vers la maison, ce qui va le faire monter et s'enfuir au premier étage. Pour passer à autre chose, on apprend aussi de John qu'il est un homme qui s'attache peu au milieu, à l'endroit, donc la maison par exemple. On apprend aussi que le couple a un voisin noir, Monsieur Best, qui au départ ne les apprécie pas, car ils sont trop bordéliques selon lui, lui qui est très ordonné, et ils n'ont pas de quoi être fiers, il n'y a pas quelque chose dont ils peuvent être fiers. Lui qui attache une importance à la nature n'apprécie pas par exemple que leur jardin ait un paysage anarchique, tout ce qui est mauvaises herbes, etc. C'est seulement quand John va commencer à se mettre à faire la tornade verte avec le bassin que les deux hommes vont commencer à se rapprocher. Bon, un rapprochement prudent, mais un rapprochement quand même. Et on voit donc pour la suite que le moment où John décide de s'attaquer au jardin et de construire la pièce d'eau, que ce moment amène chez Nancy une jalousie et un certain attristement. Car John accorde plus d'importance au jardin qu'à elle. De plus de nuit, elle trouve à la pièce d'eau un air sinistre et un air repoussant. D'ailleurs, elle ne ressortit plus au jardin jusqu'à ce que la pièce soit achevée. Pendant ce temps-là, Baxter va rester avec elle et va observer John de temps en temps à la porte. Au départ, et je l'avais lu dans le monologue, Baxter était très actif aux côtés de John, puis peu à peu, il perd la curiosité et l'enthousiasme du début des travaux. Il est assez nerveux et agité, certainement du fait de l'arrivée du bébé. Et donc assez vite, Nancy comprend que John avait besoin de distraction avant qu'elle, entre guillemets, ne se divise en deux. Pour ce qui est de John, durant l'édification de la pièce d'eau, il se demande souvent « Pourquoi est-ce que je fais ça ?» alors qu'il aurait préféré être au salon avec Nancy. Et donc il en arrive à la conclusion qu'il voulait montrer à Nancy qu'il parviendrait à surmonter une situation désagréable, que l'épreuve de la construction du bassin l'endurcit, et qu'il considère cela comme une forme de comparaison à la grossesse, pas l'accouchement, à la grossesse. Une fois la pièce finie, il va s'asseoir naturellement au salon avec Nancy, lui prend la main et l'embrasse. C'est là qu'elle lui annonce qu'elle veut que l'enfant naisse dans la maison et non pas à la clinique. Comme dans le film, elle pose la main de John sur son ventre, mais elle sent une réticence ou une résistance de son côté. Quand l'enfant va naître, alors cet enfant, comme je l'ai dit, il s'appelle Charles. Alors peut-être pour, je ne sais pas si on fait une projection comme la fin du roman, Carl souhaite être adopté par les Grafton, il pense peut-être que le rapprochement entre les deux prénoms, Charles et Carl, permettra une forme de transfert, une forme d'oubli de la mort du bébé, puisqu'on parle bien sûr du roman. Ça c'est une hypothèse qui me passe par la tête et qui n'engage que moi, mais tant qu'elle passe, je préfère la livrer, si ça peut faire avancer les choses. Donc bref, quand Charles, cet enfant, va naître, on peut avoir le droit à un passage où Baxter et John semblent jaloux de l'enfant qui va monopoliser l'attention d'un côté, la poitrine de l'autre, de Nancy. Et d'ailleurs, John se souvient de la première fois qu'il avait vu la poitrine découverte de Nancy, le fait que cette partie-là lui procure un plaisir complexe, au-delà du simple érotisme, c'est ce qui nous est marqué dans le roman, et c'est un plaisir qui désormais a complètement disparu et qui ne reviendrait plus jamais selon lui. Il pense aussi, par rapport à Baxter, que ce dernier s'est habitué à la situation et qu'il est sensible. Il dit à Nancy à son sujet « Il t'aime, il est jaloux comme moi ». Et en effet, cette remarque, Nancy perçoit la force de la jalousie de Baxter, qui n'est pas très subtile et pas très cachée. Elle espère que cette force est celle de l'amour que Baxter lui porte, et non pas la force de la haine qu'il éprouverait envers le bébé. Quand elle appelle Baxter, il lève la tête, mais il ne vient pas. Cependant, il arrive à passer sa première nuit dans la maison depuis la naissance du bébé. Là aussi, la technique dont on a parlé dans le déroulé du film, patience et obéissance pour arriver à ses fins. Et donc, le lendemain matin, Baxter attend Nancy devant la porte de la chambre, ce qui lui donne un semblant de réconciliation. D'autres éléments nous sont apportés, par exemple le fait que, comme Baxter, John trouve que son fils évolue doucement et s'interroge pour savoir s'il n'a pas, comme Baxter, une tare génétique. Nancy, par exemple, veut lui acheter un parc, mais John trouve que cela ferait l'effet d'une cage, et donc il propose plutôt comme alternative d'utiliser une pièce vide de la maison qui serait aménagée avec des objets mous. Il y a aussi le fait qu'elle ne veuille pas que leur enfant aille dans le jardin, puisqu'il y a la pièce d'eau qu'il n'est pas prêt à apprendre à nager, ce qui va sonner pour John comme un reproche de la part de Nancy. Et elle a une analyse assez fine de ce que représente la pièce d'eau, à savoir une séquelle de la peur que la grossesse de Nancy avait provoquée en John. Et pour elle, il faut savoir vivre avec ces séquelles. D'où la présence du bassin qui est là pour rappeler la peur qu'il ressentait à l'époque de la grossesse de sa femme. Pour Monsieur Best, donc leur voisin noir, le bassin est une bonne chose car il a été fabriqué par quelqu'un. On sait aussi que ce Monsieur Best travaille dans les assurances et qu'il aurait aimé faire partie de ceux qui ont construit les maisons de A à Z, les rampes, les parquets, les murs. Et alors qu'il jardine un samedi matin pour passer à un épisode important du roman, il aperçoit Baxter seul avec le bébé dans le jardin. Et lui repart au garage, il hésite furtivement à laisser le bébé sans surveillance, tout comme l'avait fait le jeune couple en se disant qu'il devait faire vite leur affaire. Mais cette pensée est furtive et il part vaquer à ses occupations. Donc arrive ce qui arrive, à savoir que le bébé meurt tragiquement et que nous avons droit à un monologue de Baxter. Je ne l'avais pas intégré au déroulé du film, car justement ce dernier en était déjà bien rempli, que ce soit les extraits du film ou les monologues du roman que j'ai lu en plus. Et surtout par le fait que ce monologue prend une autre voix que celle du film, puisque le jeune couple n'a pas à subir le même traumatisme de la perte de leur enfant, mais déjà celui très présent d'avoir failli le perdre. Et comme je l'avais évoqué dans le déroulé, c'est déjà suffisant pour le spectateur le fait que Baxter ait certes échoué, mais qu'il a commis cet acte, cette tentative. Donc je cite ce monologue ici, où il a pleinement sa place. Alors Baxter nous dit « Je me suis trompé sur l'homme et la femme. Il n'y a plus de doute maintenant. Ils m'évitent. Et l'odeur de la peur flotte sans cesse autour d'eux. » Donc je rajoute sur le fait que les odeurs vont traduire ce que l'absence de mots cherche à cacher, puisque Baxter ne saisit pas le concept de soupçon, le fait que même s'il a concrètement échoué dans son plan pour le film, mais qu'il a concrétisé les choses dans le roman, fait que pour la femme du couple, il représente toujours soit la tentative, soit la mort de son fils. Alors je reprends. « D'abord, j'ai cru qu'il savait la vérité, mais c'est impossible. » Encore une fois, l'absence dans l'esprit de Baxter de la suspicion d'intention, donc une nuance qu'il ne possède peut-être pas. Il reprend « Je suis certain qu'ils ne m'ont pas vu. Je sais ce qu'ils faisaient et je sais que dans ces moments, ils ne voient rien, ils n'entendent rien. L'enfant était encore plus faible que je ne pensais et j'ai agi très vite. J'ai pris bien soin de ne pas meurtrir de mes dents sa peau délicate. Ce fut facile de le saisir par ses vêtements et de le traîner jusqu'au bassin. Il ne poussa qu'un petit cri avant que je l'enfonce de force. Très vite, son corps est devenu mou. J'ai reculé et j'ai regardé, jusqu'à ce qu'il lâche la faible prise qu'il avait sur sa vie. Je savais que l'homme et la femme seraient désespérés pendant un certain temps, mais je croyais qu'au bout de quelques jours, ils se remettraient à me caresser et à me considérer avec un intérêt et un respect nouveau. Mais je sais maintenant que cela n'arrivera jamais. Ils sont devenus comme la vieille. Ils ne vivent plus dans le présent, ils sont obsédés par le passé, non pas par les plaisirs passés, mais par le malheur passé. La peur a remplacé l'amour. Il est possible que tous les humains soient comme ça, mais je n'arrive pas à le croire. Il doit bien y en avoir qui voient le monde comme je le vois, qui ne connaissent ni l'amour ni la peur. Il doit être possible de trouver quelqu'un comme ça. Parfois, je me demande pourquoi je ne me satisfais pas d'une vie solitaire. Ce n'est pas une question de confort, parce que ça ne me ferait rien de coucher dehors et de manger des rats. Il y a une autre raison, une raison que je ne comprends pas très bien. C'est comme si quelque chose me poussait à créer des liens, à partager ou à donner un enseignement. Donc fin du monologue, et c'est après ce monologue que la deuxième partie du roman s'ouvre et qu'apparaît Carl Fine, le jeune garçon et dernier maître de Baxter. Donc après la mort de leur enfant, les Grafton auront la volonté de se retrouver seuls chez eux. Pour Nancy, Baxter est devenu semblable à une verrue, quelque chose de laid qu'on tripote inconsciemment quand on a les mains inoccupées, quelque chose de potentiellement dangereux. Un jour, Nancy voit Carl et Baxter passer dans la rue, elle s'aperçoit que la maison Prescott est toujours vide. Elle espère qu'elle sera de nouveau louée. Notamment, elle avait observé les premières visites de l'agent immobilier, mais avait vu les personnes ressortir avec des yeux mornes et l'impatience de se trouver ailleurs. Maintenant, il n'y a plus aucune visite. Puis après avoir vu passer Carl et Baxter, elle voit passer Veronica et Queenie. Et Nancy pense que Carl et elle constituent la relève de la ville, une ville qui ne doit pas mourir selon elle. Donc pour les épisodes suivants avec les Grafton, ils sont déjà évoqués dans le déroulé du film, quand ils donnent Baxter. On retrouvera les Grafton quand je parlerai aussi des parents de Carl, puisqu'ils auront des interactions entre eux. Juste dire pour les Grafton qu'à la fin du roman, on retrouve Nancy dans la neige en train de faire un ange, comme on peut l'apercevoir si on est attentif à la fin du film. Et donc elle fait un ange dans la neige avec enthousiasme. John se rappelle vaguement que la joie de Nancy lui est revenue quand Carl ne se baladait plus dans la rue avec Baxter, et quand il lui avait appris qu'il était mort. Quand Nancy se relève, un ange noir est dessiné, puisqu'elle a gratté la neige et que le sol apparaît, le bitume apparaît. Elle va dire à John, fais-en un, et je te dirai un secret. Donc à contre-cœur, il s'exécute, parce que pendant qu'il fait ça, il pense à des tombes, le fait qu'il soit allongé au sol. Quand il se relève, deux anges dans la neige sont donc dessinés, et le secret qu'elle lui dit, c'est qu'elle voudrait avoir un autre enfant. Sur le papier, cela fait une fin donc optimiste pour les Grafton, car ils ont réussi à reprendre goût à la vie après le décès de leur enfant. Mais si on voit les choses autrement, la vision de deux anges, qui plus est deux anges noirs, peut être interprétée comme un signe de mauvais augure, si on prend la fin du roman, qui correspond aussi à celle du film, avec les pensées de Charles. C'est-à-dire que si on voit un peu plus loin, on imagine qu'il mette en place son plan d'éliminer ses parents biologiques, qu'il se fasse adopter par les Grafton, et que comme Baxter, il se retrouve au final insatisfait par sa situation chez les Grafton, et que cela entraîne un nouvel homicide avec la mort des Grafton au bout. Bien sûr, c'est si on extrapole et si on veut voir le côté noir ou sournois des choses et des signes. Donc voilà pour ce qui est des Grafton. Nous passons donc au couple Fine, aux parents de Carl, le dernier maître de Baxter. Pour ce qui est des Fine, on peut dire que contrairement au film, ce sont les parents de Carl, donc Jason et Sarah Fine, ou Michel et Anne Ferrer, si vous voulez prendre le film, qui prennent l'initiative de lui offrir un chien pour casser sa solitude. L'idée du chien vient car Jason, le père, a entendu que John Grafton, donc le jeune homme du couple, veut se débarrasser de son chien, car la présence de ce dernier rappellerait trop l'accident mortel du bébé à sa femme, qui plus est, il dort au garage. On apprend aussi dans le roman que Sarah, donc la mère, fait de la musique chez elle comme passe-temps. Elle fait du violoncelle. On en a déjà parlé pour le déroulé du film, puisqu'à la fin du roman, Carl casse ce violoncelle. On voit qu'elle aime partager et bavarder avec son mari, ce qui semble absent du film, où justement le mari trompe sa femme, qui se complaît dans les tâches ménagères pour nier la réalité et l'échec de son couple, qui même quand il va pour s'améliorer, ne connaît pas une reprise en main pleine et entière. On voit aussi dans le roman qu'elle préfère les livres et la musique que la vie réelle, ce dont va hériter Carl, qui préfère le pouvoir de l'imagination à celui de la réalité. Elle se demande aussi ce que pense Baxter. Elle le voit, notamment quand elle joue, elle le voit intéressé par la musique. Je lirai après, à la toute fin des suppléments, le monologue qui correspond à ce qu'en pense le canidé. Alors elle se demande, est-ce que c'est un simple bruit pour lui ? En effet, qu'elle joue du bac ou qu'elle joue au pif, il ne voit pas la différence. Il y a seulement une réaction quand elle joue des notes aiguës. Les deux parents s'interrogent beaucoup sur leur fils, qu'ils ont conscience de peu comprendre. Ils s'inquiètent du fait qu'il n'a pas d'amis, qu'il soit imprévisible et paradoxal, c'est-à-dire qu'il est à la fois adorable, mais renfermé et peu chaleureux. Ils ont conscience aussi qu'il se prend pour un nazi ces derniers temps. D'ailleurs, Jason dira « tous les enfants de 13 ans sont des nazis ». Selon sa mère, Carl cache de plus en plus de méchanceté derrière son ton ironique, notamment le fait que ces derniers temps, il l'appelle « ma chère ». Pour eux, il a une démarche de Frankenstein, il utilise trop souvent le mot « ennuyeux », et donc il a une allure de nazi. Encore une fois, pour eux, il utilise trop de masques pour dissimuler ce qui se passe en lui. Cela fait penser à Sarah, la mère, qu'elle est plus à l'aise, soit avec de jeunes enfants, soit avec des adultes, qui cachent moins leurs émotions. Et elle se demande si Baxter n'a pas transformé Carl, vu que ce dernier avait accepté une affection et une responsabilité. Pour elle, les deux ne pouvaient pas se corrompre mutuellement puisqu'il n'y a pas d'usage de la parole. Or, elle aura tort sur ce point. D'ailleurs, une des remarques clés de Carl à Baxter, c'est « Je voudrais tant que tu parles, que tu saches parler, qu'on puisse se parler ». Autre différence par rapport au film, c'est que le couple semble énormément être attaché l'un à l'autre. Ils regardent la télévision, même s'ils s'ennuient, le fait qu'ils soient présents ensemble leur suffit. on voit que Sarah apporte de la sécurité et de la confiance en lui en ce qui concerne Jason, car les ex de ce dernier le considéraient un peu comme un bon toutou. Elles acceptaient son affection sans complication, mais elles étaient un peu trop distraites et elles ne rendaient pas à Jason l'amour à hauteur de ce qu'il leur donnait. Et de l'autre côté, Jason aimait le côté énigmatique et mélancolique de Sarah. Ils avaient donc une vie tranquille, ils se touchaient rarement et possédaient peu d'amis. Dans leur bilan d'étape, ils regrettaient seulement la naissance de leur fils. Selon eux, c'était un intrus qu'ils ne comprenaient pas. Et donc ils constatent qu'ils s'aiment, ce qui les éloigne de leur fils. Ils aiment quand il n'est pas là. Ils ont peu d'amour à lui consacrer. Enfin, Sarah dit que Carl lui ressemble beaucoup, mais que ce dernier n'a pas d'obsession manifeste. Pour elle, c'est la musique, par exemple. Pour son mari, c'était le baseball, puis maintenant, c'est elle, son obsession. Or, Carl n'en a pas, et pour Sarah, le choix d'une obsession permet de savoir si on est sain d'esprit ou pas. L'absence totale d'obsession ou de passe-temps, ça ne favorise pas un bien-être mental. Et c'est ce qui est évoqué quand, justement, Carl, à la fin, casse son violoncelle, elle perd tout attrait et toute obsession. Ce qui fait que même si elle porte un masque pour faire voir qu'elle n'est pas atteinte, elle l'est quand même en profondeur, en perdant une sorte de goût à la vie. On passe désormais à un passage qui peut être important et qui est totalement absent du film. C'est le moment où le jeune couple, les Grafton, viennent dîner, ils sont invités à dîner chez les Fine. Et ça va amener quelques précisions intéressantes, notamment les rapports entre Carl et Nancy Grafton. Alors pour ce qui est de ce dîner, comment l'initiative est prise ? Ça vient tout d'abord d'un constat de Jason Fine, qui rapporte à Sarah, sa femme, lors d'une conversation dans le salon, qu'il a rencontré John Grafton plus tôt dans la journée, et qui demandait justement, qui lui demandait comment il s'entendait avec Baxter. Et Jason pensait donc que le chien manquait au Grafton. Sarah donc propose de les inviter à dîner un soir, ce qui est une initiative assez rare chez elle, qui se contente généralement d'avoir peu d'amis, d'avoir peu d'interactions. Là, ça surprend Jason, son mari, et il donne son accord. Cette invitation est faite lors d'une rencontre entre Nancy et Sarah au supermarché. On y retrouve une Nancy assez mal à l'aise. Elle compare le supermarché à une morgue. Les deux femmes sont d'ailleurs assez tendues et Nancy espère que Sarah ne parlera pas de Baxter. Ce qu'elle va faire à la toute fin, quand la discussion est terminée et que Nancy est de dos et repart à sa voiture, elle lance un « Le régime de Baxter nous ruine ». Ce qui fait que Nancy pleure lorsqu'elle arrive à sa voiture. Et qu'elle pense, s'il n'y avait pas le chien, elles pourraient être amies, toutes les deux. Pour ce qui est du dîner en lui-même, il se passe dans une bonne ambiance, malgré un bœuf trop cuit, trop de boissons bues, des blagues un peu longues, mais écoutées avec sympathie. Et d'ailleurs, Carl reste de bon cœur avec eux, ce qui étonne sa mère. On lira qu'il touche les clés de la maison Prescott pendant qu'il regarde Nancy. C'est une allusion, bien sûr, à son désir pour elle depuis qu'il l'observe, depuis son nouveau poste d'observation à l'étage de la maison Prescott. On lit aussi qu'il s'y est rendu toutes les après-midi et qu'il connaît les détours du corps de Nancy. Et finalement, là, il en profite pour étudier la texture de la peau, la couleur de ses yeux, pour avoir plus de détails lorsqu'il fantasmera à nouveau depuis la fenêtre. Pour ce qui est du chien, il évite les Grafton. Autre chose, John est intrigué par une photo qui se trouve dans le salon des Fine et qui a été prise par Carl une année plus tôt. Il lui dit que sa photo lui plaît. On reconnaît là le goût de John pour les photos. Il demande à Carl s'il en a d'autres. On apprend aussi que ce sont des photos prises à la décharge. Et il pense intérieurement que Carl voit les choses d'un autre œil que nous les adultes et qu'il aimerait bien en voir d'autres. Carl lui dira qu'elles se ressemblent toutes. Là aussi, dans le détail et dans la nuance, on sait que Carl préfère la partie tirage des épreuves dans sa chambre noire, avec l'apparition lente du résultat, un travail multiple sur le même négatif, ou un coup il change d'exposition, un coup il change de cadrage. Il aime donc la manipulation des images, plus que les images elles-mêmes. Par exemple, il n'a jamais photographié quelqu'un. Et c'est là que les Grafton vont lui demander « Montre-nous comment tu les tires les photos ». Et Carl dira « Je n'en fais plus, les bains sont vieux et ne sont plus bons. » Et c'est quand Nancy lui dit qu'elle aimerait aussi voir comment il s'y prend, qu'il est d'accord et qu'il s'exécute. Parce qu'il se demande ce que ce serait d'être avec elle dans une chambre noire. Et il va répondre donc « Je peux toujours essayer. » Ils vont donc à la cave, il explique comment il s'y prend, il développe la photo d'un petit torse sans tête avec des yeux fixes et des membres désarticulés qui appartiennent à une poupée cassée. Cela, bien sûr, va amener des frissons chez les Grafton, surtout chez Nancy, du fait du souvenir de leur enfant disparu. Carl n'a pas fait le rapprochement et se concentre surtout sur le contact de son corps avec celui de Nancy quand elle regarde par-dessus son épaule. Alors toujours pendant que les Grafton et Carl sont à la cave, Sarah et Jason ont une discussion. Ils se disent « c'est facile d'aimer les enfants des autres, on peut les traiter comme s'ils étaient adultes, on n'a pas à essayer de les comprendre ». D'où la question « avons-nous essayé de comprendre Carl ?» La réponse qui va arriver, évidemment, mais nous n'avons pas très bien réussi, je suppose. C'est alors que Jason prend Sarah dans ses bras et a conscience que cela fait des années qu'il n'a pas embrassé son fils, et Sarah aussi fait ce même constat. Il se demande pourquoi, car Carl ne le tolérerait pas. Il n'embrasse pas, c'est pas dans sa nature. C'est là qu'il va être dit « Tu te trompes, Carl embrasse, il embrasse Baxter ». Et c'est ainsi que se finit le passage sur le dîner entre les Grafton et les Fine. On revient donc à la suite de l'histoire des Fine, le couple. On retrouve donc le couple Fine le soir où Carl est dans la maison Prescott avec Veronica. C'est une scène que je vais décrire juste après. Jason constate que son fils est en retard. Il pense qu'il est avec d'autres enfants, ce qui montre quand même qu'il n'est pas au courant de ses occupations, notamment la décharge peut-être. Il se souvient que quand il avait l'âge de Carl, il était plutôt un observateur des autres. Il n'a jamais été un chef. D'ailleurs, c'est la même chose pour Carl, je l'ai évoqué dans le déroulé du film. Quelqu'un qui suit, qui observe et qui finalement va se faire sa propre ligne de conduite. C'est là où les chemins bifurquent entre le père et le fils. C'est que le père observait passivement les autres, tandis que son fils a eu à temps d'observation, mais a dévié sur autre chose de plus sournois. Et d'ailleurs, on en a vu les conséquences. Pour la mère, Sarah, elle aime l'obscurité, le noir, comme Carl. Elle constate aussi que son fils aime errer dans la ville comme son père. Puis ce même soir où Carl a emmené Veronica dans la maison Prescott, elle constate que Baxter est là, couché devant la porte, tout seul, sans son fils. Jason donc ouvre la porte, Carl arrive en courant, en criant « Il est là, je l'ai cherché partout dans la ville ». Et donc les parents regardent si Baxter n'est pas malade. C'est là que la mère, Sarah, s'aperçoit que le chien a énormément de force par rapport à eux. Et le père va dire, après l'avoir ausculté également, « Il n'est pas blessé, il est tendu, il a peut-être peur de quelque chose ». Et quand il voit que ses parents accordent beaucoup d'attention au chien, Carl est contrarié et se demande si le chien ne commence pas à les apprécier. Quand ils montent tous les deux dans la chambre, le père Jason va dire à sa femme que c'est une querelle d'amoureux entre Baxter et Carl. Et il y aura une dernière question de Sarah qui demandera à Jason s'il pense que c'est bien que Carl ait des choses en commun avec Baxter. Il dira c'est mieux que rien. Et aussi, qu'est-ce que le chien a de plus que nous, parents ? La bestialité, ça sera la réponse. Et on s'aperçoit aussi que Jason est gêné quand on lui rappelle que Carl est capable d'affection avec d'autres personnes que lui, car cela lui rappelle ses propres lacunes relationnelles avec son fils. Et c'est d'ailleurs une pensée qu'il aura à la fin du roman, quand il partira à la recherche de son fils à la décharge. Il se demandera... Est-ce que les gens peuvent aimer les animaux ? Non, ce qu'ils aiment, c'est eux-mêmes. Et c'est en fait une partie d'eux-mêmes qu'ils voient reflétée dans l'animal qu'ils aiment. Il n'y a rien d'admirable dans ce genre de rapport, car c'est un rapport à sens unique. Et donc, au retour de Jason et Carl de la décharge, après la mort de Baxter, ce dernier, donc Carl, va s'excuser auprès de sa mère, après lui avoir cassé son violoncelle, mais elle sent quelque chose de faux dans l'étreinte que son fils lui adresse. Dans les temps qui suivirent, elle a eu finalement peu de joie. Elle a été brisée par son violoncelle cassé et surtout par le geste de son fils qui a commis cela. Il y a une belle phrase de l'auteur pour exprimer cela. Il y avait un grand silence dans sa vie. Parfois, elle ouvrait le placard où Jason avait placé le violoncelle, mais elle n'arrivait pas à le toucher. Il lui rappelait Carl. Et plus ça avance, moins elle essaye de penser à son fils, car son affection et sa déférence nouvelle étaient inacceptables pour elle. Elle avait l'impression d'avoir un nouveau chien dans la maison. Elle avait préféré Baxter. Donc c'est aussi une belle phrase de fin pour ce qui concerne les Fine et surtout la mère Sarah. Parce que ce que nous, spectateurs du film ou lecteurs du livre, avons pu voir et constatons à la toute fin, à savoir quasiment une fusion Baxter-Carl, ou Carl qui se comporte finalement comme Baxter, eh bien dans le roman on voit qu'elle le perçoit également. Donc c'est l'attachement d'une mère à son enfant, l'amour maternel tout simplement, et qui est trahi, qui est meurtri, qui est cassé. Et il y a une sorte de fatalité chez ce personnage qui est assez fort. Tout comme le père Jason, qui est quelqu'un de bon, qui essaie de bien faire, qui aurait malgré tout préféré ne pas avoir d'enfant, mais qui essaye quand même d'être digne de son rôle et d'être bienveillant. mais au final, on sent que quelque chose est cassé et qu'une menace sourde plane sur ce couple à la fin. C'est ce qui nous est confirmé par les dernières paroles, aussi bien dans le roman que dans le film, de Charles, de Karl. Et c'est ce qui est assez triste. Encore une fois, s'il fallait choisir, puisque les Fine et les Ferrer dans le film, dans le roman, sont quand même assez différents au niveau du caractère et au niveau de leur relation entre deux, à la limite, ce sera les Fine qui vont nous faire un peu le plus mal au cœur, car ils ont plus de bonnes valeurs à défendre que les Ferrer, qui sont assez passifs, qui d'un côté acceptent le mal fait au couple, donc ça c'est la mère, Anne, et qui de l'autre côté est infidèle, ça c'est le père, menteur, absent, transparent, bref, moins de bonnes valeurs à défendre. Je vais maintenant évoquer le monstre du film et du roman dans les suppléments qui nous sont donnés, à savoir Karl Fine, et les informations supplémentaires que peut nous apporter le roman par rapport à lui, et notamment la fameuse scène que j'ai évoquée de Véronica et lui dans la maison Prescott. Alors, pour Karl, si on reprend depuis le début du roman, tout ce qui nous est dit sur lui, par exemple, d'après ses parents, il ne pose aucun problème. On apprend, et je l'ai évoqué juste avant, qu'il a eu la photo à un moment donné comme passe-temps, qui a entraîné l'installation d'une chambre noire à la cave pour les développer. Cela lui a apporté de la discipline, mais en même temps, il n'a jamais développé aucun lien avec personne. Mais pour ses parents, l'important, c'est qu'il ait beaucoup de points positifs. Il est brillant, il est bon élève, cela leur suffit. Quand ses parents lui parlent de Baxter, il se renseigne justement sur la race du Bull Terrier dans l'encyclopédie. Il découvre que cette race de chien a des qualités de lutteur, la force du bulldog et la rapidité du terrier, qu'il est courageux, résistant à la douleur et qu'il se bat jusqu'à la mort dans des fosses. On apprend aussi que Karl aime voir sa mère exaspérée, car elle est comme lui dans ces moments-là, qu'elle aurait besoin elle aussi d'une décharge pour s'abriter, mais comme elle est adulte, elle ne peut se le permettre. Il n'est donc pas pressé de devenir adulte et comprend ce que peut apporter le pseudo-statut d'innocence de l'enfance. Et il compte en profiter. C'est ce qu'il fait. Il profite des excuses qu'on donne aux enfants pour s'immiscer dans les failles et pour faire le mal insidieusement. Par rapport au violoncelle, qui est l'instrument de sa mère, il n'aime pas qu'elle en joue. Car quand elle le fait, elle est assise, jambes écartées, les yeux clos. Il aurait préféré soit du piano, soit de la flûte. Et cet instrument l'empêche d'amener quelqu'un chez lui, de peur qu'elle soit en train d'en jouer pendant qu'ils sont présents. Lorsque sonne justement l'heure des vacances d'été, Karl reste pétrifié à sa place devant ce qu'on peut appeler l'été de tous les possibles. Il ne sait pas s'il va se consacrer au bunker, à Véronica et ou à Baxter qui vient de rentrer dans sa vie. Quand il rentre chez lui, il voit donc le chien l'attendre sur le pas de la porte. L'enfant est content que le chien se soit laissé dresser aussi facilement, car la conscience que Baxter lui obéit, car il le comprend, et non pas parce que Baxter a peur de lui. Quand les vacances débutent, Karl aura une phrase vis-à-vis du chien. « Mon ami, notre été vient de commencer. » Plus tard dans le roman, on apprend qu'ils ont un jeu entre eux, avec un os ramené de la décharge, et Karl qui va essayer d'enlever à Baxter l'os de ses mâchoires. Et Karl ne gagne jamais à ce jeu. Si on prend la scène d'accouplement entre Baxter et Queenie, ou Baxter et Princesse, juste après cette scène-là, Karl rentre chez lui dans un état d'excitation assez fort par rapport à Véronica. Il a dormi très peu durant cette nuit, imaginant tous les scénarios possibles avec toujours la même fin, Véronica et lui couchés dans le bunker la prochaine fois qu'ils s'y voient. Si bien que le soir suivant la décharge, Karl avait tout prévu, sauf qu'elle ne viendrait pas. Et en effet, on se souvient qu'après l'accouplement entre Baxter et Queenie, Véronica a repris sa chienne assez vite, elle est repartie et elle lui avait promis qu'elle n'y reviendrait jamais à deux ensemble. Face à l'absence de Véronica, Karl prend donc conscience de son isolement. Et cela à un des rares moments où il désirait ardemment de la compagnie. Pour lui, désormais, c'est une faute de dépendre de quelqu'un, d'avoir besoin de quelqu'un. Il regarde Baxter et pense « Le chien n'a besoin de personne. Il se sert de nous. Il s'est servi de l'épagnole de Véronica. Baxter n'avait manifesté aucun regret de ses précédents propriétaires, pas plus que s'il devait me quitter. Il peut m'enseigner plus de choses que Véronica. » Comme je l'ai dit, c'est un moment charnière dans l'évolution de Karl. On peut se demander ce qu'il serait advenu de ses pulsions morbides si Véronica était venue ce soir-là à la décharge. Par la suite, il y a donc cette fameuse scène supplémentaire évoquée, un passage alternatif du rapprochement Karl-Véronica. En effet, dans le roman, Véronica annonce à Carl la paternité de Baxter dans le bunker et non pas dans le bus comme dans le film. Elle veut rester là, dans le bunker, car son père est en colère et qu'elle n'est pas souhaitée pour l'instant dans sa maison. Elle demande donc à Carl si ça l'ennuie de rester là. Dans ses pensées, on voit que oui, car en plus, il ne passe plus beaucoup de temps dans le bunker maintenant qu'il a les clés de la maison Prescott. D'ailleurs, il propose à Véronica d'y aller. Cette dernière donc voit le changement chez Carl et elle en est impressionnée. Maintenant, c'est lui qui mène la danse. On voit le basculement aussi du rapport de séduction. C'est ce que j'avais évoqué dans le déroulé du film. Il fallait faire gaffe à ce renversement du rapport de séduction entre les deux adolescents. Pour elle, donc, ce n'est plus le même. Et elle sent qu'il avait appris quelque chose entre-temps. Mais elle voulait savoir ce que c'était, ce quelque chose. Donc, il se trouve à la maison Prescott. Et alors qu'il regarde à la fenêtre, elle lui caresse le torse. Et Carl fait le constat que le sexe ne lui fait plus peur désormais. Plus depuis qu'il avait vu Baxter et Queenie. Il y a aussi un constat assez spécial pour lui, c'est que l'expérience n'est pas obligatoirement plus intéressante que l'imagination. En effet, pour lui, Véronica et Baxter ont de l'expérience, mais il n'en est pas jaloux. Véronica va donc être mal à l'aise face à la réticence de Carl de se rapprocher physiquement. Ils vont dans la chambre, elle lui touche l'entrejambe, mais il écarte sa main. Véronica commence donc à avoir de la tendresse et de la pitié pour lui face, entre guillemets, à sa panne. Carl se sent humilié profondément et cherche une vengeance à effectuer assez vite. C'est là qu'il a un plan assez tordu. Il fait enfiler une chemise de nuit de Madame Prescott à Véronica et va chercher Baxter, certainement dans le but de lui faire reproduire la chute de la vieille dans l'escalier. Pour montrer à quel point il est déconnecté et dépassionné à ce moment-là, il est totalement froid alors que Véronica se dénude pour enfiler la chemise de nuit. Il s'en va chercher Baxter et il ne la regarde même pas. Et donc, en descendant chercher le chien, il s'aperçoit que ce dernier est parti. Si vous vous souvenez, c'est ce que j'avais expliqué juste avant avec les deux parents qui s'aperçoivent que Baxter est sur le palier et que Carl arrive derrière en disant « je l'ai cherché partout », alors qu'il était à la maison Prescott avec Véronica. Et en remontant à l'étage, il s'aperçoit que Véronica est partie. Avant de revenir chez lui, il est allongé sur le lit de Madame Prescott. Il pense à Baxter et au fait que le chien ne reviendrait peut-être jamais, en se disant « il est libre ». Et aussi, pourquoi les animaux ne sont-ils pas tenus pour responsables de leurs actes? Et donc il n'était pas en colère contre Baxter, mais plutôt envieux de sa liberté, et du fait qu'on pardonne leurs actes horribles, et de l'impunité dont ils bénéficient. Voici d'ailleurs la lecture du monologue de Baxter qui explique sa fuite de la maison Prescott, et quelques pensées supplémentaires. Donc il nous dit « En attendant l'enfant, j'ai pris conscience d'un changement dans l'air de la nuit. » Il y avait l'odeur de pourriture et la brise qui ébouriffait ma robe n'était pas froide, mais subtilement pénétrante. La saison changeait. L'enfant l'a-t-il remarqué? J'en doute. Il ne s'en apercevra que quand il lui faudra mettre des vêtements plus chauds, quand les feuilles commenceront à tomber. Les humains ne sont pas observateurs. Je le sais parce qu'il y a des moments où je deviens imprudent et où j'adopte leurs habitudes. Je m'inquiète pour des ombres. De la vieille, par exemple, qui n'existe plus. Mais l'air de la nuit existe et c'est une faute que de l'oublier. L'enfant oublie. La fille et les ombres de la maison de la vieille l'absorbent totalement. Cela restreint sa liberté. Il est évident que la liberté n'intéresse pas les gens. Ils se contraignent de trop de façons. Cela m'étonne qu'ils ne se tiennent pas en laisse les uns les autres comme ils font avec nous. Les vieux, surtout, semblent obsédés par les contraintes. C'est évident dans leur façon de se déplacer. Ils ne courent jamais, mais ils marchent lentement. Toujours du même côté de la rue. Ils s'arrêtent au coin et traversent tous ensemble, passant en troupeau devant les maisons bien alignées. Ils ne s'intéressent pas aux gens qui les croisent, s'écartant quand c'est nécessaire, sans jamais grogner ou renifler quelqu'un. Parfois, ils s'arrêtent pour se regarder dans les yeux et bavarder, sans jamais manifester la colère ou l'attirance que je perçois en eux. Les enfants sont différents. Ils bougent librement, et j'en ai même vu un uriner dans la rue. Mais ils sont contrôlés par les vieux, et avec le temps, ils semblent tous perdre le sens qu'ils avaient de la liberté. Je suppose même que l'enfant finira par devenir aussi passif et inintéressant que ses parents. Mais il est difficile à juger. Il a des façons subtiles de chercher sa liberté, et je dois me tenir prêt à bien des éventualités. Il connaît mon courage, mais il doit savoir aussi que je vis selon mes propres règles, et que je ne le tolérerai qu'aussi longtemps qu'il ne s'y opposera pas. J'ai compris cela le soir où il était dans la maison avec la fille. Je suis parti pour lui rappeler mon indépendance. Je ne suis pas allé loin. Seulement jusque chez ses parents, je l'attendais à la porte, sachant que, contrairement à moi, il est toujours obligé d'y revenir. Donc voilà la fin du monologue. Donc de retour à la maison, Dans sa chambre, Carl reporte son attention sur la laisse cloutée pour dresser Baxter et constate que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas passée autour de son cou et que ça peut constituer une erreur. Il y a un sentiment, également chez Carl, qu'il doit profiter des derniers instants des vacances pour renforcer ses liens avec Baxter, mais il se demande comment faire. On s'aperçoit aussi que Carl accorde désormais plus d'importance au son qu'autrefois, qu'il a échangé son appareil photo contre un magnétophone, puisque les sons, contrairement aux images selon lui, ne peuvent être totalement déguisés. Par exemple, son institutrice, Madame Cuso, dont on va parler juste après, en apparence est élégante et elle inspire le respect. Mais le sifflement de sa respiration trahit une gêne, que ne trahit pas son image. Et donc, dernière chose, pour renforcer ses liens avec Baxter, dernière pensée qu'il a, c'est que Baxter doit faire quelque chose pour lui, quelque chose d'inoubliable, quelque chose d'innommable. Et c'est ce qui va amener à la scène de la fosse avec Jimmy Benson ou Jean-Jean, ce que Baxter va refuser de faire et va être le début du divorce, entre guillemets, entre Carl et le chien. On passe donc à la personne suivante, qui est celle de Marie Cuso, l'institutrice. Par rapport au film, où il n'y a pas d'interaction directe entre Marie Cuso et Carl, en effet, dans le film, on peut simplement supposer qu'il se trouve dans la classe quand on voit Marie au début du film, mais c'est tout. Dans le roman, on sait un peu plus ce que l'un pense de l'autre. On a déjà eu une évocation dans ce que je viens de dire sur Carl. Dans le roman, on voit que Marie Cuso est admirative par rapport à l'enfant. Elle le trouve toujours curieux et attentif, même en fin d'année scolaire alors que tous les enfants pensent aux vacances. Et Carl sait qu'elle est triste à l'idée que les vacances arrivent et qu'elle préférerait continuer de travailler puisqu'elle ne fera rien de ses vacances, elle ne va pas partir, elle va rester dans Haley Street avec son père durant l'été. D'ailleurs, avec ce dernier, il passe du temps à la véranda. Son père aime être près de sa fille tout en observant les mouvements de ses voisins, mais sans parler. Elle n'a pas de véritable dialogue avec lui et vice-versa. Marie Cuso pense que sa vie est vide. Elle a commencé un fichier avec une fiche pour chacun de ses élèves depuis les 16 dernières années. Chaque fiche a deux rubriques. Une rubrique fait, F-A-I-T-S, qui est une rubrique hétéroclite et variée, qui peut comprendre des remarques comme « est allé à l'université »,« se lavait rarement »,« alcoolique »,« a eu deux enfants »,« souffrait de saignement de nez »,« s'est fait avorter », »,« camionneur »,« décédé ». Et notre rubrique, qui est celle des « conclusions », où on trouve des observations comme « malheureux »,« promesses de jeunesse non tenues ». Alors elle fait une fiche pour les élèves dont elle connaît le destin, mais ceux dont elle a perdu la trace, elle n'est pas plus optimiste pour autant pour eux. Alors elle entend souvent Mademoiselle Fine, Sarah Fine, la mère de Carl, jouer du violoncelle, et se demande ce que deviendra Carl dans 10 ans. Est-ce qu'il sera une exception? Ou quel élément peut corrompre sa vie? Elle le voit passer dans la rue avec Baxter et commence la fiche de l'élève par la remarque « à un chien ». On sait aussi qu'elle aime les orages, que pour elle son père meurt de la même façon que la ville, c'est-à-dire sans dignité et sans drame. Lors de la soirée avec l'orage, elle entend Baxter aboyer et se fait la remarque « peut-être aimons-nous avoir des animaux autour de nous pour admirer la simplicité de leurs réactions et nous rappeler le souvenir de quelque chose que nous avons perdu, notre innocence ». Si on résume, Marie Cuso est donc un personnage plus introspectif que dans le film. Dans le roman, il est moins dans l'action. C'est un personnage plus pessimiste du fait de la perte des illusions. C'est un peu ça qui transparaît dans le roman. Dans le film, elle est en recherche d'amour et de considération. Et elle va se heurter au cynisme de Michel Ferrer, le père de Charles, à la mort de son père, à la mort de Monsieur Cuso. Et elle va se reprendre en main. Et c'est là aussi où on voit un trait de Michel Ferrer, où dès que Marie Cuso, sa maîtresse, va lui demander plus de considération, plus de sérieux, plus de concret, il va fuir. Et il va essayer de reprendre en main de son côté son couple et son rôle de père, mais ce sera déjà trop tard, d'un côté comme de l'autre. Alors, une fois l'été passé, elle constate que les élèves semblent fiévreux du fait de la période de transition avec les vacances. Pour elle aussi, on verra, c'est le cas aussi de Joseph Bartnik, le père de Véronica, le père de Stéphanie. L'automne est sa saison préférée, c'est la saison de la mort. Elle pense encore à son père qui reste en vie au-delà de toute dignité et qui n'aimait pas la présence de sa fille, mais apprécie sa langueur. C'est ce qu'elle va dire, elle va lui offrir sa langueur, le fait d'être dans l'inaction, dans l'absence de dialogue. Et donc le fait qu'elle reprenne son métier à la rentrée, ça l'arrange. Lui, il préfère être seul et parler très peu. Et vers la fin du roman, un matin d'hiver, Marie Cuseau se réveille et constate que les petits bruits que faisait son père, qui était quelqu'un qui était toujours levé avant elle, lui manquent. On sait donc désormais, à la fin du roman, que M. Cuseau est décédé peu de temps après la rentrée scolaire, et ce silence est brisé par les aboiements d'un chien. Et ça va être une référence aux dernières pensées de Baxter, quelque chose comme « Se souviendra-t-on de moi ?» Certains peut-être. Et là, en effet, c'est le cas de Marie Cuseau. Elle repense au chien blanc de Karl et elle se demande ce qu'il est devenu. On voit aussi qu'elle a réagi par rapport à son père. En effet, ce dernier, dans le roman, voulait lui transmettre l'envie de quelqu'un ou de quelque chose qui dépend d'elle, ce qu'elle refuse de faire. C'est-à-dire se servir des personnes pour ce qu'ils peuvent nous apporter et non pas par altruisme total. C'est en ça, par exemple, que le monsieur Cuseau du roman est différent de celui du film. Celui du film, il est beaucoup plus sympathique. Pour ce qui est de la Marie Cuseau du roman, en entendant les bruits du chien, elle pense qu'elle pourrait peut-être avoir un animal de compagnie canin qui l'accompagnerait durant sa vie. Et ça laisse peut-être entrevoir une nouvelle Madame Prescott, si on prolonge un petit peu la réflexion. Ou tout simplement, on peut y voir aussi l'influence d'outre-tombe de Baxter qui a marqué de son passage la vie future de Madame Cuseau. Simplement qu'elle prenne un chien qui n'est pas forcément aussi mauvais que Baxter, mais le fait qu'elle se rappelle de lui lui amène peut-être l'idée d'avoir un chien plus tard. Donc voilà pour ce qui est de la Marie Cuseau du roman. On passe donc à Joseph et Véronica Bartnik, le père et la fille. Pour ce qui est des Bartnik, père et fille, une des premières répliques et un des premiers échanges qu'ils ont ensemble dans le roman, c'est Véronica qui va dire « Je ne suis pas ta propriété » et le père qui va répondre « Si, nom de Dieu, et tant que ça durera, je ne te laisserai pas te comporter comme un animal. » On comprend à peu près les tensions qui peuvent être là au quotidien dans le foyer Bartnik. On voit assez rapidement que le père préfère les animaux. D'après lui, ces derniers lui ont procuré les meilleurs instants de sa vie, que ce soit à la chasse ou dans la vie quotidienne. Et il se sent assez mal à l'aise hors de cette période de chasse qu'il attend avec impatience. On sait même qu'il a un body count assez imposant. On sait aussi que c'est un ivrogne qui cherche à masquer ses problèmes de boisson, mais qui ne trompe personne, certainement pas sa fille. C'est aussi quelqu'un dont la femme est partie, on verra comment il le ressent juste après. Sa fille, Véronica, sait le complimenter pour arrêter une dispute. Ils vont souvent à la décharge ensemble, et donc le père ne respecte que les personnes ou les choses qui peuvent lui servir. À la décharge, par exemple, il y a toujours quelque chose qui pourra me servir, c'est un petit peu sa remarque et la raison pour laquelle il s'y rend. Et d'ailleurs, cela donne lieu dans le roman à une très belle description de ce qu'est la décharge. Un endroit où on trouve surtout des hommes qui fuient leurs femmes, ou un repère de jeunes garçons timides, mais un endroit qui est complètement dénué de féminité. Cela n'en fait pas pour autant un lieu viril, mais un lieu plutôt asexué. Si on en revient au père, il est très attaché à son épagneul, Queenie, bon, princesse dans le film, qui au moment où a lieu la scène de la décharge, est en pleine chaleur. Ce qui fera penser intérieurement à Joseph Bartnik, « Pauvre bête, bientôt tu te sentiras mieux. » Et on lit qu'il ne veut pas la castrer, de peur que cela affecte ses dons pour la chasse. C'est une chienne qui a toujours agi selon la volonté de Joseph, et non selon sa volonté propre. Pour lui, c'est sa chose. Il lui fait faire ce qu'il veut. Et c'est ce genre de rapport, même avec les humains, qu'il apprécie. On sait donc que c'est quelqu'un aussi de très misogyne. Par exemple, il ne comprend pas l'intérêt que les femmes portent à leur propre corps et pense que les hommes les protègent contre elles-mêmes. C'est pour cela, par exemple, qu'il attache Queenie en laisse quand ils sont à la décharge et qu'il demande à Véronica, sa fille, de rester dans la camionnette. C'est un homme donc qui est meurtri par le départ de sa femme, qu'il a justement quitté sans explication. On sait même qu'il regarde de temps en temps dans la boîte aux lettres, avec l'espoir d'y trouver un jour une lettre et une réponse au départ. Et donc on voit qu'il n'a pas de recul sur lui-même pour y voir par exemple sa propre part de responsabilité, ce qui a créé une blessure ou une humiliation et qui le laisse sans réponse, donc il ne peut pas rebondir pour réinterpréter l'histoire et se donner le beau rôle par exemple. Il y a aussi ce qui est un peu plus décrit dans le roman, c'est aussi un soir où l'automne arrive. Comme Marie Cuseau, Joseph Bartnik aime beaucoup cette saison, qui lui rappelle non seulement l'ouverture de la saison de la chasse, mais aussi la fin de tous les excès de l'été. Hein, on a vu que c'est quelqu'un qui n'acceptait pas que les autres soient heureux alors que lui ne l'est pas. C'est quelqu'un aussi qui se sent plus à son aise quand tout meurt autour de lui. Et donc, quand il rentre chez lui ce soir-là, Queenie, sa chienne, l'attend sur le seuil de la porte, et elle semble plus lourde que d'habitude. Et il se rend compte très vite qu'elle est enceinte. Ce qui lui fait penser qu'il aurait préféré que ce soit sa fille qui soit enceinte et non pas sa chienne. il va pour prendre un fusil, en même temps qu'il voit sa fille Véronica dans la cuisine en train de préparer le dîner, et il aurait voulu qu'elle soit un cerf immobile. Mais il se reprend assez vite, il range le fusil, monte dans sa chambre avec les larmes aux yeux. Si on revient sur le personnage de Véronica, et si on se place après l'épisode de la maison Prescott que j'ai évoqué pour Carl, on imagine donc, s'étant échappé, que Carl désormais lui fait peur. À ce sentiment, elle constate elle-même qu'elle change et que tout change autour d'elle. Si on reprend Carl, elle était à peine consciente de sa présence au printemps précédent et aujourd'hui, c'est devenu le centre de ses pensées. Mais elle ne voulait plus désormais être en sa présence et elle a une réflexion, il vaut mieux ne pas trop savoir de choses sur les gens. Et de par ce fait, elle enviait beaucoup plus les chiens. D'ailleurs, pour elle, l'expression « vie de chien », c'est une vie pour elle facile, confortable, sans présence de regrets. Elle a aussi tiré une leçon de sa relation avec Carl, en étant moins superficielle et moins intéressée par son apparence. L'envie aussi qu'elle donne par rapport à l'expression « vie de chien », ça lui fait poser la question de savoir si une personne pourrait se transformer en chien. Elle se dit « pourquoi pas ?». Et le roman enchaîne avec cette scène où on se trouve à la rentrée des classes, à l'école, dans la salle de cours, et où l'auteur décrit comme si Carl commençait vraiment à se métamorphoser en chien. D'ailleurs, lui se dit intérieurement « je peux presque sentir son odeur » en parlant de Véronica. Et on voit aussi que désormais il néglige son hygiène et ne prend plus de douche ou de bain. Qui plus est, il se fait à sa nouvelle odeur. Après cette scène, donc, qui est absente du film, on voit que Carl et Véronica ne s'étaient plus parlé depuis l'incident de la maison Prescott. Carl s'aperçoit que c'est la première fois que quelqu'un a peur de lui, ce qui lui fait plaisir. Comme dans le film, mais de façon plus glaçante et cynique, il adresse un « Salut Eva » à Véronica. Elle ne lui répond pas, ce qui fait qu'il s'excuse pour l'incident de la maison Prescott. Elle, de son côté, lui informe que Queenie aura bientôt ses petits. Elle n'a pas encore accouché quand cet épisode a lieu. Ça, c'est absent du film également. On n'a pas de phase de transition. Et c'est là que Carl lui dit « Peut-être pour m'excuser, je pourrais te rendre un service un de ces jours. Je te dois un service. » C'est ce qu'on retrouve dans le film ou dans le roman. L'idée que, ne pouvant donner les chiots à d'autres personnes car elles sont réticentes au fait que ce soit Baxter le père, elle va demander comme un service à Carl de garder les chiots. Dans le roman, on a aussi un passage où Queenie met bas en pleine nuit, que Joseph Bartnik, le père, voit les quatre chiots qu'il trouve dégoûtants. Il ne sait pas si c'est des cochons, des rats, un résultat de fausse couche. Et il pense les tuer tout de suite, tant qu'ils n'ont pas encore ouvert les yeux. Quand il s'approche pour en prendre un, Queenie gronde. Et c'est la première fois qu'elle le menace. Ce qui fait qu'il se dit « elle ne m'appartient plus ». Elle n'ira plus à la chasse et elle ne va faire que couver ses petits. Pendant cette même nuit, Véronica se lève et demande si les chiots sont nés. Elle dormait peu les nuits précédentes pour éviter que son père fasse un geste fatal. Et justement, lui veut les supprimer, car ils sont, d'après lui, affreux et inutiles. Elle se dit la même chose, ils ne sont pas aussi mignons qu'elle aurait pu le croire. Elle avoue donc assez facilement au père que c'est Baxter le père. Pour lui, c'est la pire espèce de chien, ce sont des tueurs et on devrait leur interdire de se reproduire. Cette remarque d'ailleurs est reprise dans le film, mais dans la scène de la décharge, la première fois où ils se voient. Donc le père et la fille passent un marché. Le père laisse les chiots se sevrer pendant un mois et Véronica s'en débarrassera en les donnant. C'est le but d'origine. Comme ça, Queenie aura une semaine pour les oublier avant l'ouverture de la saison de la chasse. Véronica fait la remarque que si on lui enlève tout de suite ses chiots, Queenie n'obéira plus jamais. Donc le père accepte ce compromis. Véronica pense donc intérieurement « Il aime sa chienne, il aime ma mère, Dieu merci, il ne m'aime pas ». À la fin du roman, quand les chiots ont été donnés à Carl, on lit que Queenie aboie furieusement dans le jardin, qu'elle fait des ronds dans la neige et qu'elle n'est heureuse que loin de Joseph. Cependant, elle continue à lui obéir à la chasse, ce dont il se contente. Durant cette même scène de fin, Véronica entend donc Queenie aboyer ainsi que le tâtement d'une plaque de la chienne. Et cela rappelle quelque chose de désagréable à Véronica, à savoir que Carl s'était mis à porter dernièrement une chienne autour du cou et qu'il ne cesse de tripoter, ce qui émet le même tâtement. C'est là aussi où on apprend que Carl ne lui a jamais dit ce qu'il était advenu des chiots, qu'il souriait toujours et qu'il l'appelait toujours Eva, et que désormais elle n'avait plus envie de partager la ville avec lui, et qu'elle partira dès qu'elle le pourra. Voici donc ce qu'on pouvait dire pour les Bartnik. Je finirai les suppléments sur deux pensées et deux monologues de Baxter qui ne pouvaient pas être casés véritablement dans un endroit ou dans un autre, et qui sont en fait des prolongements. Alors il y en a deux qui sont assez rapides, mais au moins vous aurez vraiment une version intégrale des pensées de Baxter qui nous aura vraiment bien accompagnés durant cet épisode. C'était le but aussi, et c'était un de mes choix de donner totalement la parole à Baxter. Alors pour ces deux monologues, le premier parle de l'admiration, et je l'avais évoqué rapidement dans le déroulé du film, j'en ai fait allusion rapidement dans le déroulé du film, sur l'admiration de Baxter pour les mains des humains. Et il y a aussi quelques remarques sur les sons. Alors j'y vais tout de suite, il nous dit « Mais bien entendu, les humains ont beaucoup de désavantages à surmonter. Leur corps bizarre par exemple. De grandes créatures qui marchent sur deux pattes doivent vivre dans un état d'angoisse constante. » Le sol représente pour eux une menace. Ils construisent des meubles, c'est ridicule d'éviter l'élément qui vous supporte. La seule partie admirable du corps humain, c'est la main. Je l'ai vu exécuter les choses les plus délicates. La vieille qui faisait des dessins avec des fils clairs et foncés, en poussant une aiguille dans de petits trous. Et j'ai senti la force des mains, mais il est clair que les gens se serrent mal de leurs mains. Je vois les objets qu'on a jetés à l'endroit où je vais avec l'enfant. Je pense à la force et à la dextérité des mains qui ont fabriqué ces objets, et je comprends que leur effort a été gaspillé. Il faut occuper les mains, il faut leur inventer des activités. La mère de l'enfant en est un exemple. Elle reste assise pendant des heures avec son instrument. Sa main gauche touche les cordes, rapide et ferme. Je me couche dans un coin et j'écoute les sons qu'elle produit. Des sons complexes qui sont assez graves pour faire vibrer le sol, et qui contiennent pourtant des aigus à peine audibles. Elle est l'une des rares personnes qui semble s'intéresser à d'autres sons que le bavardage monotone. Et pourtant, les sons qu'elle produit n'ont pas de sens. Ils sont moins intéressants que les sons désordonnés de la vie qui remplissent le voisinage. Une voix qui crie, des pas qui approchent, une porte qui claque. L'enfant comprend cette vérité. Il sait que les gémissements de la chienne dans la voiture avaient plus de sens que le son de n'importe quel instrument. Il m'a vu me décomposer devant cette créature sombre et gémissante. Il ne connaît ni ma force, ni mon intelligence. Il ne connaît pas mes triomphes. Il faut lui montrer que moi aussi, j'ai des vertus peu communes. Donc voilà pour le premier monologue qui restait. Et il y en a un tout dernier, donc je fais dans l'ordre du roman, où Baxter a des réflexions sur Sarah Fine, la mère de Carl. Comme il y a peu d'interaction entre Anne Ferrer et Baxter dans le film, c'est intéressant de voir le prolongement de ce qu'il peut ressentir pour Sarah Fine, qui est une personne un peu plus profonde qu'Anne Ferrer. Donc je lis tout de suite. Donc il parle de Sarah Fine. « La femme n'est pas sans vertu. Maintenant que l'enfant est si souvent parti, je me suis mis à l'observer avec plus d'attention. Nous partageons la maison la plus grande partie de la journée, sans jamais nous toucher. Nous nous jetons un coup d'œil de temps en temps. Souvent elle reste assise des heures à regarder les drôles de petits signes noirs de ses livres. Elle sourit et je vois ses orteils remuer dans ses sandales. Parfois quand elle pose son livre et va à la cuisine ou à la salle de bain, je saute sur sa chaise et je me couche sur son coussin tant qu'il est encore chaud de son corps et riche de son odeur. Elle ne m'excite ni ne m'intéresse de la même façon que l'enfant, et elle ne fait aucun effort pour me comprendre. Mais je trouve réconfortant d'être avec elle. Je ne lui ferai pas de mal. Je crois qu'elle comprend l'importance du repos, sauf quand elle produit des sons sur son instrument, elle ne gaspille pas son énergie comme la plupart des humains. Elle ne parcourt pas la ville sans rime ni raison, et elle ne s'embarque pas dans les activités ridicules auxquelles s'occupent les autres. Elle ne ratisse ni ne brûle les feuilles mortes. On est ensemble. Chacun est conscient de la présence de l'autre, mais sans ressentir ni amour ni aversion. Elle m'a enseigné la valeur de l'indifférence. Quelque chose que l'enfant a encore à apprendre. L'après-midi, quand il rentre à la maison, il apporte non seulement de l'énergie, mais des attitudes passionnées. La femme peut rester indifférente, même à lui, mais moi, je partage immédiatement son excitation. Je me rappelle les sentiments que j'éprouvais pour la vieille, le couple et le bébé. Et j'analyse les sentiments que j'éprouve maintenant pour l'enfant. Voilà la fin du monologue. Vous disposez donc, si vous ajoutez le déroulé du film à la version intégrale de Baxter, une œuvre donc qui apparaît comme beaucoup plus riche si on cumule film et roman. C'était un peu le but, hein, voilà, de voir les nuances, voir ce qui a été changé, ce qui a été modifié, ce qui a été amélioré. Et donc, selon les différents éléments, on préférera telle partie du roman, telle partie du film. Mais là, au moins, j'espère que vous avez une vision globale de l'univers de Baxter. Nous passons donc aux différents avis et critiques que le film a suscité. Et là aussi, ce sera une version plus longue que d'habitude, d'où l'intérêt de faire deux parties pour cet épisode. On enchaîne tout de suite avec cette partie. Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Capitaine, j'ai une opinion sur ce sujet. Bah, je t'en prie, partage-la avec le peloton. À mon avis, tu me prends pour un con. Parce que je me fiche de l'opinion des autres. Et vous devriez en faire autant. Voilà la solution. Merci, monsieur Portage. Une partie avis critique qui va certainement être plus longue que celle des épisodes précédents, puisque Baxter, c'est ce dont je me suis aperçu, a suscité beaucoup de réactions, si ce n'est en France, surtout aussi à l'étranger, et c'est toujours intéressant de voir le film proposé, analysé ou ressenti à travers le prisme, qui n'est pas le prisme exclusivement francophone. Et là, en effet, par exemple, si on prend IMDb, qui est le principal site de référence pour ce qui est des avis étrangers, et bien dans les films étudiés, il y a peut-être Canicule, il y en avait un peu plus, ça peut se limiter à, en effet, 10 critiques maximum venant d'étrangers, si on cumule les simples spectateurs avec les revues critiques. Et là, si on prend Baxter, on en est à 50, c'est-à-dire moitié-moitié-moitié... on va dire spectateur et moitié critique. Donc je vais essayer de résumer au maximum ce qui ressort des différentes critiques en évitant d'être redondant, même si forcément le côté singulier, le côté original, le côté oui bah voilà, c'est un film surprenant, unique, car vu à travers la vision d'un Bulle Terrier, bon voilà, ça ce sont des choses qui vont souvent revenir, j'éviterai de les répéter et de prendre vraiment les critiques qui, ou du moins les critiques qui apportent quelque chose de différent, ou du moins dans la critique le point d'analyse supplémentaire. Cela représente un tellement gros volume d'écrits. Je regarde devant moi, j'en ai à peu près, oui, 40 pages, même si j'ai déjà fait le tri dedans, que forcément il y aura de la répétition. Donc je m'en excuse et je commence au plus vite. Pour ce qui est d'Allociné, je vais procéder en deux parties. Tout d'abord, faire un concentré, comme je l'avais fait pour Canicule, de réactions, de propos qu'on retrouve souvent, avec d'un côté les propos positifs, de l'autre côté les propos négatifs. Puis après, donc, prendre quelques gros morceaux de critiques dedans très intéressantes. Surtout que Baxter est là aussi un film très critiqué, dans le sens où il recueille quand même 62 critiques écrites, 312 notes, donc une moyenne de 3,4 sur 5. Et donc il faut faire le tri dans ces 62 critiques. Si on prend les aspects positifs, donc on a tout d'abord quelqu'un qui nous dit « C'est trop triste, j'ai presque chialé à cause de cette saleté de gamin. Putain de chef-d'œuvre à voir. » Ensuite, d'autres qui nous disent, voilà, ça ressort souvent, à voir rien que pour le concept. C'est-à-dire que même dans des critiques qui peuvent être négatives, avec des gens qui ont été déçus, il y a quand même ce côté que c'est un film qui sort de l'ordinaire. Bon, ça, on va le retrouver beaucoup. Et on l'a retrouvé beaucoup de fois avant. Le fait que la voix du chien amène une noirceur originale. Que le chien est, dans un certain sens, beau et philosophe. Un film qui est aimé par John Waters aussi. Ça, bon, c'est une petite anecdote supplémentaire. Un film donc marquant, acide, corrosif, noir, subtil, intelligent, intrigant, excellent. Une œuvre atypique qui ne plaira pas à tout le monde, ça nous rappelle Canicule par exemple. Un film pas extraordinaire mais original et divertissant. Une proposition intéressante de cinéma fantastique cérébral. Ensuite, un des critiques qui fait remarquer qu'il a ressenti la voix de Baxter, à qui Maxime Leroux prête sa voix, comme une voix qui mêle celle de Droupy, qui nous lirait du Nietzsche. Ce film est une vraie claque. Je me demande comment j'ai pu passer à côté de ce film pendant tout ce temps. Un film extrêmement bien écrit, qui préfère suggérer que montrer. Ça aussi, c'est souvent dit. Un ovni dans le paysage français, à voir absolument. Bon, ça aussi, ça ressort beaucoup. Un ovni... Une étude sociologique des plus percutantes, le rapport autorité-soumission est très pertinent et très bien représenté. Bref, la leçon à retenir est que la connerie humaine est impossible à éradiquer. Ensuite, une œuvre importante du cinéma français des 30 dernières années qui fait réfléchir et qui est très riche, mais qui est à ne pas mettre entre toutes les mains. Un drame original très touchant et superbement mis en scène. D'autres qui nous disent que le jeune acteur est glaçant de naturel et de talent. Un long métrage qui gagne à être connu du fait de sa qualité et de ses valeurs, un film qui a vraiment de la gueule. Bref, un film unique en son genre. Dans les côtés positifs encore, on a donc un film qui plaira aux personnes qui aiment être chahutées et déroutées, un film qui ne peut laisser indifférent. Bon, encore une fois, un ovni, misanthrope sur les bords, à mi-chemin entre le grinçant, le dérisoire et le fantastique, replié sur l'absence d'extraordinaire. Un film difficile à se déloger de la tête tant il est dérangeant et fascinant. Il fait partie des films qu'on n'oublie pas. Ça aussi, ça ressort beaucoup. Et d'autres qui, en effet, bah, ça ressort dans beaucoup de critiques aussi. Un lien avec le côté malsain des premières œuvres de Gaspard Noé. Pour ce qui est des côtés négatifs, donc on a par exemple ici une critique, une perte de temps. La narration du chien est ridicule, car elle pense comme un tueur psychopathe. C'est une histoire vraiment tordue. D'autres qui nous disent, et ça revient souvent, concept de base fort, mais contenu pas à la hauteur. Un début long et ennuyeux qui ne démarque quand l'enfant adopte le chien. Ensuite, pour ceux qui aiment les animaux, ce film est inutile. Il n'y a qu'à ouvrir la télé pour avoir accès directement à l'horreur que les humains répandent autour d'eux. Le réalisateur de ce film malsain doit être malade des neurones. Un film trop avare en termes de violence graphique. Donc là, certains qui reconnaissent au film le mérite de suggérer plutôt que montrer, certains sont frustrés et aimeraient voir plus de violence graphique. Une bonne base, mais un film pâteux dans l'exécution. On peut lui reprocher son aspect téléfilm, sans parti pris visuel particulier, une bande originale bien fade, certains acteurs plutôt mauvais, mais cela ne gâche en rien le film. Des fois même les côtés négatifs, les spectateurs sont indulgents dans le sens où ils ont conscience qu'on n'est pas face à une très grande production. Ensuite, pour ce qui est des critiques complètes, je vais aller très vite. Alors, il y a celle de Pépino, qui est une critique de 2011, qui met 3,5 sur 5 au film. Alors, qui nous dit que ce film est une très mauvaise pub pour cette race de chiens à l'époque. Un film terrifiant à la française, réalisé à une époque où les gens n'avaient pas peur de sortir des sentiers battus. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais original et gonflé, ça oui, le film l'est. Donc, on voit que même les gens qui ont des réserves reconnaissent le côté... original, le côté barré, le côté on ne voit pas ça tous les jours. Alors pour les critiques, on a Fairy Liar, donc qui met 5 sur 5 au film, une critique de 2008 où il est écrit que Baxter est un de ces films rares que je qualifierais de film coup de poing, de ceux qui laissent des traces indélébiles sur votre façon d'appréhender le monde dans lequel nous vivons. La froideur lucide de la narration à travers les yeux du chien est terrifiante et le pendant de la monstruosité de l'enfant qui devient son maître. Une atmosphère pesante, le jeu des acteurs en toute simplicité et la bande-son synthétique qui vous glace le sang rappellent les films de John Carpenter. Bref, un film quasi inconnu mais d'une effroyable intelligence et efficacité. Du grand cinéma français comme on en voit extrêmement rarement. On a New, qui met aussi 5 sur 5 au film, une critique de 2007. Alors, étrange, c'est le terme. Le spectateur est plongé dans le point de vue d'un être qui a une conception du monde et des choses complètement différentes de celles des humains. Les repères moraux sont modifiés mais pas absents. Les sentiments existent bel et bien, même s'ils n'ont rien à voir avec ceux des humains. Les règles changent radicalement, et pourtant on peut finir par comprendre ce chien. Pas méchant, juste malheureux au sein des hommes qui ne sont pas faits pour le comprendre. Cependant, il est clairement à déconseiller aux plus jeunes. L'ambiance y est nauséabonde du début à la fin, et le pire c'est qu'au fond ce sont les humains qui sont à l'origine de cette atmosphère sordide. Ainsi, Baxter vaut le coup d'œil, du moins pour ceux qui cherchent des films qui changent. Glauque mais pas vain, poignant, glaçant, cru, animalement cru. Je dis des courts extraits d'autres critiques. Il y a celle de Roger Waters, qui a mis 4,5 sur 5 au film. Une critique de décembre 2016, donc assez récente. Il nous dit donc qu'il avait vu le film à l'époque, lors de sa diffusion sur Canal+, que ce film l'avait interpellé par son aspect étrange et inconfortable, sans qu'il n'en saisisse véritablement tous les tenants et aboutissants, car il était alors adolescent et n'était donc pas assez mûr pour en comprendre toutes les subtilités. Ensuite, il l'a revu dernièrement, ce qui lui a permis de constater que les auteurs savent vraiment créer une ambiance terriblement inconfortable, que ce n'est pas étonnant que le film ait connu un cinglant revers commercial, tant on cherche à qui il pouvait bien être destiné. En tout cas, ce long métrage est magnifique, d'un cynisme retors savoureux, et Boivin a donc œuvré pour la postérité, car Baxter deviendra une œuvre vraiment importante au cours des décennies prochaines. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Ensuite donc Zach, qui a mis 5 sur 5 au film, pareil, une critique de janvier 2016. Donc 5 étoiles parce que c'était son premier long métrage, un film émouvant et plutôt haletant, qui aurait sûrement pu l'être encore un peu plus. Zach a donc visiblement eu un boule terrier comme chien. Il trouve que la personnalité complexe du bulle, le terrier, est donc plutôt bien retranscrite dans le film, car en effet cette race est loin d'être la plus facile à éduquer. Bête, têtu et intelligent à la fois, c'est un chien atypique qu'on aime ou pas. Il n'y a pas de juste milieu. Ce film n'a pas été tourné avec cette race par hasard, car c'était, je pense, pour en montrer la complexité et l'incompréhension entre l'humain et le chien. La voix off lui va à merveille, même si cela lui donne un caractère plutôt morose. L'histoire sent le vécu, le tragique, le côté doux et réaliste à la fois. Les connaisseurs de la race y retrouveront un peu du leur. Et enfin, je termine pour ce qui est d'Allociné par la critique de JML, qui a mis 5 sur 5 aussi au film. Une critique qui date de 2009 et qui nous dit donc que le film est dérangeant et malsain, Il n'a jamais vu un film qui met aussi mal à l'aise. Constamment, quelle que soit la scène, la voix de Baxter, insidieuse, décalée, se fraye un chemin dans notre esprit désappointé pour se donner une place de plus en plus importante au fil de l'histoire. On commence simplement mal à l'aise, on termine choqué, étonné, stressé presque face à un tel film, donnant à voir une vision du monde pour le moins animale. Donc voilà pour ce qui est des critiques hallucinées, on enchaîne avec d'autres. Pour les critiques de sites français, il y en a des très intéressantes et très complètes, comme celle par exemple de cinémafantastique.net par Damien Temmens, qui titre son article « Transfusion de pensée ». Si j'ai vite dans l'article, on a des passages comme « fantastique »,« chien ». Ces deux simples mots suffisent à cataloguer Baxter du côté des « animal attacks », sauce canidée, façon Cujo, « Dressé pour tuer » de 1982 de Samuel Fuller, ou encore « Play Dead » de Peter Whitman en 1983, un film où une femme utilise ses pouvoirs magiques sur un Rottweiler pour se débarrasser de ses proches. Or, Baxter s'éloigne des sentiers battus et propose, à contrario, un concept novateur. Ne se réduisant pas à de simples échauffourées entre des humains à la peau tendre et un molosse aux dents acérées, Baxter puise son originalité dans le traitement du rôle-titre qu'il propose. Le procédé introspectif du canidé, par le relais de la sublime interprétation de Maxime Leroux, confère au projet son décalage, signant du même coup une rupture à la française avec le cinéma américain largement plus performant en matière de fantastique. Tiré du roman « Des tueurs pas comme les autres » de Ken Greenhall, qui date de 1977, Baxter est un ovni Frenchie inclassable, dû à un Jérôme Boivin inspiré, qui sut tirer le meilleur parti de l'analyse psychologique des personnages, aidé en cela par de truculents dialogues de Jacques Audiard. Pour la suite de l'article, on a un passage où on se demande si Baxter fonctionne à l'affectif ou s'il préfère l'innocence enfantine. Du fait que l'enfance ou les enfants avancent peu masqués, contrairement aux adultes qui cachent leur véritable nature. On souligne aussi que le métrage de Boivin ne fait aucune concession et fonce dans l'art, bouleversant tous les préjugés pour asseoir sa théorie audacieuse. Le message de Baxter est d'autant plus fort que sa conclusion dénote avec les thèses ontologiques habituelles. Baxter, chien affreux, amputé de tout sentiment, par essence inférieur à l'homme, se révèle moins dangereux que son comparse humain, pourtant porte-drapeau de ce que l'humanité a de plus émouvant, l'enfance et son innocence présumée. Fasciné par Adolf Hitler, le jeune Charles tend doucement à révéler la facette la plus abjecte de l'être humain, torturant et massacrant à tout va au nom de l'expérience, prenant un plaisir malsain à tenter d'assassiner un camarade de classe, à tuer de pauvres chiots sans défense ou à maltraiter son chien. En conclusion, le film est une peinture pessimiste, une fable ordurière mais réaliste à l'égard d'un genre humain en décrépitude. Baxter puise sa force dans la moralisation sous forme de miroir grossissant qu'il propose, à défaut de convaincre totalement en raison des nombreuses approximations d'acteurs peu inspirés. Et en dessous, vite fait, une critique de cette critique, il y a un passage qui nous dit, qui peut être intéressant et qui nous dit que l'intérêt du film repose sur l'obscurantisme macabre et sinistre qui plane du début à la fin. Il y a aussi la critique de Avoir à lire, qui titre Le Fantastique Made in France. Délétère et oppressant, les malheurs du chien Baxter. Un fleuron du cinéma fantastique français de la fin des années 80, sélectionné à Avoriaz. Donc pour ce qui est de la critique, sur un mode nettement sombre et sobre, Baxter est un film fantastique qui sort des sentiers battus. Le fantastique intervient ici dans le fait que le monde est perçu par un chien qui nourrit des idées contre nature. Il ne cherche pas à provoquer le rire, mais le malaise, en montrant le quotidien peu folichon d'un animal qui ne trouve pas de considération, tout comme il refuse des compromis. Le film rassemble trois histoires en une, regroupées dans ce morose « Let me be your dog » qui aborde de multiples sujets à la fois, ce qui rend par conséquent la thématique du film vaste et riche. Baxter doit également beaucoup à sa galerie de personnages savoureux, qui sont tous des monstres ordinaires, tout droit échappés d'un film de Todd Solondz, comme Happiness ou Bienvenue dans l'Ingrat ou Storytelling. Parmi les trois segments, on est en droit d'avoir des préférences. La troisième histoire, la plus longue et la plus substantielle, enregistrant les relations tordues entre Baxter et un jeune garçon, est complexe. Le cinéaste va même jusqu'à donner des penchants malsains au garçon et le fait passer pour un Hitler jeune. Son sadisme lorsqu'il demande au Kleps de tuer notre garçon, son amour pour une Stéphanie de banlieue qui ressemble vaguement à Eva Braun, et surtout quand il se met à écrire un journal rappelant évidemment Mein Kampf. L'atmosphère du film est délétère, oppressante, presque effrayante, parce qu'ancrée dans une réalité insupportable, faite d'hypocrisie et de mensonges, de tensions et de refoulements. Dans ses meilleurs moments, le film possède un lyrisme, un souffle, qui lui fait atteindre des sommets, comme lors de ce dénouement où le jeune garçon observe le couple d'en face avec leur enfant, et qui prononce soudain les mêmes paroles que Baxter. Deux êtres incompris qui, dans le fond, souffrent des mêmes traumatismes, du même manque d'amour. Il y a aussi une très bonne critique du site Devil Dead qui est très bien développée. Alors j'essaie de faire le plus court possible. Cette critique nous dit donc que Baxter pense, réfléchit, se pose des questions existentielles. Qui suis-je? Où vais-je? Il vit et observe les autres, les hommes, qu'il méprise le plus souvent, qu'il envie parfois, mais parmi lesquels il ne se retrouve pas. Jamais. Il se sent seul, personne ne le comprend, il se sent inutile, personne ne lui demande rien. Persuadé qu'il doit avoir un but auprès de quelqu'un, il enrage de mener une vie trop tranquille. D'abord auprès d'une vieille sans odeur, ensuite auprès d'un couple qui l'oublie à la naissance de son bébé. Bref, une vraie vie de chien. Ce n'est qu'au côté d'une graine de nasillon qu'il a enfin l'impression d'exister. Quand Jérôme Boivin décide de se mettre au cinéma, il ne s'attaque pas au plus facile. Il commence par s'inspirer d'un roman de Ken Greenhall et son film fut un échec commercial. En effet, vite fait, ça c'est moi qui le dis, mais en cherchant les résultats du box-office de l'époque, pour la sortie parisienne la première semaine, il a fait quelque chose comme 25 000 entrées. Ce premier film fait l'effet d'une petite bombe subversive à sa sortie. Avec la complicité de Jacques Audiard, Boivin a su donner à l'histoire de ce bulletérier très terre-à-terre une dynamique étonnante, faisant du chien un héros à la fois triste et inquiétant. Pour la suite de la critique de Devil Dead, on nous dit que le personnage de Baxter est intéressant pour plusieurs raisons. Son ambivalence est trouble, en ce sens que tout au long du film, il apparaît à la fois comme un véritable chien, dont on suppose que les préoccupations sont très primaires, mais aussi comme un être humain, dont l'incertitude est permanente. Il y a donc deux niveaux de lecture du personnage qui sont compatibles et qui ne se télescopent jamais. Le chien, donc un bulletérier presque repoussant, au regard fuyant, apparaît comme une espèce de résidu de multiples croisements. Un être victime de nombreuses manipulations génétiques. Il est laid, presque difforme, et son côté voyeur le rend encore plus inquiétant. Enfin, sa tête à quelque chose d'indescriptible. Sa forme, assortie de ses yeux entre guillemets en trou de pine, a un je ne sais quoi d'incroyablement obscène et vulgaire. Le casting à ce niveau-là est exceptionnel. Aucun chien n'aurait pu prêter ses traits au jeu de ce débile léger qu'est le chien Baxter. On rappelle aussi pour anecdote que plusieurs bulletériers furent utilisés pour le film. Enfin, on nous dit aussi que le film, pour sa part, a été divisé en trois actes, dont le schéma très simpliste pourrait correspondre à la naissance, la vie, la mort. Trois actes pour représenter une vie, de l'enfance parée de son innocence, de ses questions, de ses interprétations naïves, à l'âge adulte, où les préoccupations deviennent plus claires, les objectifs plus précis. Le chien Baxter, à mesure qu'il grandit et observe le monde qui l'entoure, devient plus actif. Sa volonté se précise. Il sait dorénavant ce qu'il veut faire de sa vie. Il apprend aussi à mieux maîtriser ses pulsions animales lorsqu'il trouve enfin un cadre de vie réglé par des lois et des ordres. La troisième partie du film montre un chien rassuré par les contraintes que Charles lui a imposées. Ici, l'image allégorique de la loi est très claire. L'humain se distingue de l'animal par les lois et les interdictions qu'il a érigées. La satire sociale apparaît de plus en plus évidente à mesure que Baxter change de maître. On peut donc dire que Baxter est un film plein d'une rage contenue, qui laisse le spectateur mal à l'aise, à l'instar du film de Gaspard Noé Seul contre tous, précédé de Carnet, même si ces derniers proposaient des images même plus explicites et violentes. Ces films sont également assez proches du fait de leur narration et de leurs propos. Dans chacun d'eux, le personnage principal raconte sa vie et livre ses pensées les plus intimes au spectateur, tandis que se déroulent des passages de sa vie. Ensuite, comme dans les films de Gaspard Noé, les scènes sont entrecoupées d'écrans sur lesquels sont inscrites des transitions dans la vie des personnages. Pour finir avec ce parallèle, on peut noter que le personnage de Baxter et celui du boucher, dans Seuls contre tous, sont identiques. Ils se sentent seuls et incompris. Ce premier essai réussi de Jérôme Boivin se déguste donc avec un certain plaisir et donne un point de vue inédit de la vie à travers le regard d'un chien qui se cherche. Et on nous demande de nous rappeler que d'après le peintre Toussaint Nicolas Charlet, ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, c'est le chien. C'était donc une critique de Nadia Deradji. Je tiens à citer l'auteur quand même. C'est la moindre des choses. Je dis aussi vite fait le résumé de la critique du site La Compagnie du Désastre Cinématographique, qui nous dit que Baxter est un film français très sous-estimé qui fait réfléchir au scénario original et passionnant de bout en bout. Dans ce qu'il y a de supplémentaire par rapport aux autres critiques, il y a le fait qu'on évoque l'amie fille du garçon qui est là pour lui apporter un peu de lumière dans son esprit froid, mais cela ne prend pas. Il tente des expériences de plus en plus morbides, notamment lorsque Baxter tuera un chien venant empiéter sur leur espace vital, mais entre guillemets espace vital, mais Baxter ne tue pas gratuitement, et ça, Charles ne le supporte pas. Baxter paiera sa désobéissance dans un dernier combat contre son maître, lors d'une scène finale très cruelle. À la sortie du film, on est partagé entre une terrible sensation de malaise et la satisfaction d'avoir vu notre esprit critique titiller sur de graves points sociaux. Bien plus efficace qu'une pauvre campagne alarmiste entre deux tours de présidentielle, Baxter décortique les mécanismes possibles qui font sombrer un gamin dans la fascination morbide pour une autre époque. Bien d'autres thèmes y sont abordés, et notamment des considérations très fortes sur les principes écœurants d'obéissance et d'abandon. L'histoire s'emballe très rapidement sur la fin, lorsque Baxter tue pour se défendre, jamais gratuitement, et que son maître ne comprend pas cela. La réalisation du film est tout à fait honnête, et la voix de Baxter, faite par Maxime Leroux, évoque à merveille le cynisme avec lequel les bêtes à quatre pattes doivent nous considérer. Le seul bémol vient sans doute de la jeune actrice insupportable qui joue la petite amie de Charles. Mais cela ne gâche aucunement la qualité exceptionnelle de ce chef-d'œuvre aux multiples niveaux de lecture. L'homme ne serait-il qu'un clébard ? Dans les autres critiques intéressantes, il y a celle aussi du site Cinéma Choc qui nous dit qu'on reproche souvent, et à juste titre, au cinéma français de manquer d'insolence, d'originalité, d'outrecuidance. Pourtant, entre les années 80 et 90, plusieurs films français se démarquent de l'anomie générale. On peut prendre Tenue de soirée, de Bertrand Blier par exemple, Vibro Boy de Yann Kounen, le trop méconnu 3615 Code Père Noël de René Manzor en 1990, qui va d'ailleurs bientôt ressortir, ou qui est déjà ressorti, ça dépend à l'heure où vous prenez ce podcast, Au chat qui fume, ou encore I Love Snuff de Jean-Louis Coste en 1995. Tous ces métrages sont autant de films estampillés cinéma français. Vient donc s'ajouter Baxter, les chiens au cinéma. La plupart du temps, nos canards s'accointent, lutinent et sympathisent dans des productions consensuelles et destinées au jeune public. Dans d'autres films, ils sont les nouveaux adjoints et ou compagnons de flics à la dérive, comme dans Chien de flic en 1989. Mais parfois, le meilleur ami de l'homme sombre dans la psychopathie, la barbarie et le meurtre. C'est par exemple le cas dans Wilderness de Michael Bassett en 2007. Dressé pour tuer de Samuel Fuller en 1982, ou encore Cujo en 1983. Indubitablement, Baxter appartient à cette dernière catégorie. En outre, difficile de répertorier cette OVNI dans un registre particulier. Baxter n'est pas vraiment un film d'horreur. Le long métrage a une consonance fantastique, bien qu'il se déroule dans notre époque moderne et contemporaine. En réalité, Baxter pourrait presque s'apparenter à une analyse sociologique sur la vie quotidienne et le comportement des êtres humains, le tout sous le regard éberlué d'un cabot. On tient donc ici un petit chef-d'œuvre d'irrévérence du cinéma français. Méfiez-vous du chien qui pense, telle est l'accroche de l'affiche. Le long métrage possède un scénario et un concept en or. En outre, le script fonctionne de manière régressive, la vieillesse, l'âge adulte et les prémices de l'adolescence. Ainsi, le film se divise en trois parties bien distinctes. Dans la première, le chien est recueilli par une vieille dame au visage décati. Dans cette première section, c'est la peur qui domine. Ainsi, le film est régulièrement commenté par le canidé. Ses pensées sont à la fois archaïques et terriblement humaines. La joie, la colère, et surtout cette volonté de trouver le maître ou la maîtresse qui saura se montrer à la fois attentive et implacable. Mais c'est surtout cette tentative de soumission sur l'autre qui domine. Finalement, le maître n'est pas forcément celui que l'on croit. Et chaque section se terminera dans la mort ou la tentative d'assassinat. Quand Baxter est recueilli dans le foyer d'un jeune couple de trentenaires, la peur se transmute alors en bonheur et en joie de vivre. Dans cette seconde partie, choyé et divinisé, le cabot coule des jours heureux. Mais ces moments de paix et de félicité sont bientôt contrariés par l'arrivée d'un nourrisson. Baxter est alors prié de dormir dans le garage. Jaloux, retors et séditieux, le canidé tente de noyer le nouveau-né. Nous arrivons donc dans la troisième et dernière section. Baxter est recueilli par Charles. Contre toute attente, c'est avec ce nouveau psychopathe en culotte courte que le chien va trouver son maître, celui qui ordonne, qui punit, qui le forme au combat. Dans chaque partie, Baxter subit et analyse toute la complexité des rapports humains. C'est l'occasion ou jamais de fustiger notre humanité en déliquescence. Finalement, Baxter est surtout le reflet de nos pensées et pulsions primitives, pensées et pulsions qui le dépassent, à l'image de Baxter ne pouvant se contrôler pour avoir des rapports avec une autre chienne. Ce film, c'est aussi ce questionnement et cette réflexion sur notre nature profonde, sauvage et animale. Si la forme élude volontairement toute effusion de sang, le fond est d'une violence inouïe. Indubitablement, Baxter est un film qui dérange, une œuvre éminemment complexe et qui mériterait sans doute un meilleur niveau d'analyse. Et la critique met une note de 16 sur 20 au film. Pour ce qui est d'IMDb, je vais commencer par celle des spectateurs lambda. Le film recueille une note de 7 sur 10 pour 1540 notes et un public à 85% d'hommes, visiblement. Il y a donc une critique d'Akosenza 17 qui date de 2007, qui met 8 sur 10 au film et qui est américain. Le titre est « Intéressant film noir ». Il y a une remarque qui revient souvent, c'est que, pour les Américains, ils se sont fait conseiller ce film dans les vidéoclubs. Soit ils sont tombés dessus par hasard et la jaquette les a attirés, soit ils se sont fait conseiller ce film. Et, visiblement, ils en sont très heureux. C'est d'ailleurs ce qu'il marque, il remercie l'employé du vidéoclub de lui avoir conseillé le film. Un film unique, car vu d'un point de vue du chien, bon, ça c'est pas très original, mais voilà, pour un Américain, on voit que les critiques sont les mêmes. Mais justement, le film n'a pas le défaut de l'anthropomorphisme, et essaye de retranscrire ce qui pourrait être la perspective d'un animal. En faisant cela, il remet en cause l'idée que les humains sont une espèce supérieure, et d'ailleurs, le film l'illustre très bien, en juxtaposant le comportement de Baxter qui agit sans arrière-pensée et de manière impulsive, à celui des humains qu'il rencontre. En créant ce contraste, le film fait un très bon travail de renvoyer en miroir les éléments les plus sombres de la nature humaine. Je suis très heureux d'avoir vu ce film et vous le recommande chaudement. C'est aussi quelque chose qui apparaît beaucoup, le fait que les étrangers qui ont vu ce film, à la fin, quasiment, il y a toujours le mot recommandé. Donc bon, si je le rencontre à nouveau, j'éviterai de le dire, mais bon, sachez cela et que les gens qui l'ont vu le recommandent. Deuxième critique, celle d'Adam Fay, qui met lui aussi 8 sur 10 au film. Donc une critique qui date de 1999, donc le film avait 10 ans à l'époque. Le titre donc dérangeant mais paradoxalement amusant. Donc un des films les plus originaux que j'ai jamais vu. Une bonne technique, l'histoire de cette vie de chien et des pensées qui traversent l'esprit de ses différents maîtres est stupéfiante et très bien retranscrite. Le rythme est normal au début, mais s'accélère lorsque Baxter rencontre, entre guillemets, le maître de ses rêves, donc Charles. Ce film est un must pour certaines des choses amusantes que Baxter pense, mais aussi pour la fin qui nous laisse un peu triste, mais très satisfait et ou dérangé, perturbé. Autre critique, celle de Jess Nolly, 8 sur 10 aussi, américain également, une critique de 2001. Le titre, donc, obscur, tordu et saisissant, c'est sans aucun doute un des plus sombres, un des plus tordus et un des plus saisissants films qu'il m'était donné de voir. Je ne savais pas trop quoi en penser une fois fini. Je ne suis toujours pas sûr de le faire actuellement. Je l'ai aimé, même si cela semble pervers de l'admettre. Ce n'est pas un film pour tout le monde, mais si vous êtes fan d'humour noir, essayez de le visionner. Alors, on a Saint Shot, américain, 8 sur 10, critique de 2008. Le titre est assez original, c'est quand Benji la malice devient méchant. Personne ne sera jamais aussi fidèle et aimant qu'un chien à son maître. Et donc là, dans la critique, on a tout un début sur le fait que vraiment le chien est le meilleur ami de l'homme, que quand on rentre, il nous fait la fête, alors tous les jours, alors que la famille, même si ça va bien, on a le droit juste à un simple sourire, voire à la gueule si l'ambiance n'est pas très bonne. Un chien, il nous fait la fête tout le temps. Et donc le point de départ, c'est le chien est le meilleur ami de l'homme, à moins qu'il ne le pense comme Baxter. Donc s'ensuit le résumé du film, je vous le passe. Et la critique finit par le constat que Baxter n'est donc pas Benji la Malice, il est beaucoup plus introspectif que les autres chiens, qu'il méprise d'ailleurs, et il est prédisposé à avoir les capacités d'un chat au niveau de l'indépendance de caractère et la capacité de tuer. Il n'est pas l'idéal de la loyauté et de la confiance que nous attendons des chiens, mais ses ruminations et sa vision du monde sont à la fois effrayantes et sombrement comiques. Il est à la fois dangereux et adorable. Après tout, c'est un chien. Les autres personnages sont bien développés, ce qui permet à Baxter de bien évoluer. Le film peut être dérangeant et repousser les amateurs de chiens. C'est un travail frais, original et stimulant qui mérite la plus grande considération. Ensuite, W.B. Hitchcock, qui met 8 sur 10, donc un Américain de San Diego. Le titre, donc, Un chiot malade. Là aussi, il dit qu'il a loué Baxter en ayant vu et lu la jaquette. Que quand c'est comme ça, c'est un pari, des fois ça marche, des fois non, des fois le film est mauvais, on se laisse avoir par la jaquette. Mais justement, ce n'est pas le cas de Baxter qui l'a vraiment mis sur le cul. Et son sujet, donc un boultaillé dérangé qui va de maître en maître, jusqu'à ce qu'il rencontre après un dos nazi et maniaque. Ce film ne sera pas pour tous les goûts, comme la scène où le chien essaie justement de noyer un nourrisson dans une fontaine. Ceux qui apprécient les films avec un humour plus noir qu'une nuit sans lune adoreront définitivement ce film. Ensuite donc, Michael Neumann, américain, il y a beaucoup d'américains de toute façon, en 2010, qui met 6 sur 10 au film, avec comme titre de critique « Attention, chien méchant ». Inutile de dire que la vedette de ce film inhabituel est loin d'être Lassie. Le scénario déjà pervers est encore plus étrange du point de vue d'un chien. Cela donne un aperçu des conséquences de la négligence et de la cruauté, à la fois envers les animaux et aussi envers les enfants. Il y a une critique implicite du fascisme, résumée par les derniers mots de Baxter, « N'obéissez jamais ». La morale est claire, mais le message peut être confus car l'obéissance de Baxter est sélective. Ses instincts primaires peuvent annuler les effets de son adaptation à l'espèce humaine. Ce film a un potentiel de film culte et sa courte durée vous permet de confirmer cette pensée pour y jeter un coup d'œil par vous-même. On a aussi la critique de Fertile Celluloïde, alors qui nous vient des Monts de la Folie, hein, c'est, si on traduit la provenance, qui met 9 sur 10 au film, une critique de 2006, avec comme titre un chef-d'œuvre mineur, sombre, enthousiasmant et enjoué. Alors ce critique insiste plus sur les liens avec l'autre roman de Green Hall, qui s'appelle Elisabeth, qui examinait déjà la nature et l'attirance du mal. Pour lui, il en est de même pour Baxter. Il nous parle après aussi de la voix de Baxter, ou du narrateur, qui est celle d'un vieil homme méchant, dont le ton est teinté de désespoir et de malveillance. Le réalisateur crée un monde sombre pour que Baxter existe et puisse facilement se faufiler. Comme beaucoup de créatures, Baxter a du talent pour modifier son comportement en fonction des circonstances et des envies du maître. Ce dernier est donc opportuniste, et a du mépris pour les êtres à deux et quatre pattes. La musique du film est très épurée, parfois juste un blip ou une note unique qui résonne. La photo a une teinte rougeâtre et saturée à l'intérieur et bleutée à l'extérieur. Les performances sont mesurées et fascinantes. Lise de Lamar, donc celle qui fait Madame de Ville, fait impression. Le ton général de Baxter est dérangeant, certains spectateurs seront gênés par la cruauté brutale. C'est un film dépourvu d'optimisme, mais riche en atmosphère, suspense et rebondissement. La scène impliquant le bébé en danger est puissante et énervante. On a un anglais pour la suite, The Void, qui met 8 sur 10 au film, une critique de décembre 2006, titrée « Comédie noire française complètement bizarre ». Les films où l'on donne à un animal une personnalité et une voix humaine ont souvent été un élément essentiel des films pour enfants, mais je n'ai pas souvenir d'en avoir vu un à destination des adultes. Mis à part l'exception de cet étrange film français, bien sûr, un métrage avec un tel pitch peut devenir assez vite un must, surtout si on le fusionne avec le ton de la comédie noire pour toucher au sublime. Jérôme Boivin était proche de réussir cet exploit. Le film montre que quel que soit le côté méchant d'un animal, il y aura toujours un homme pire que lui. Même si Baxter se montre soi-disant obéissant et humain, il ne peut pourtant réprimer des instincts animaux et primaires, comme on peut le voir lorsqu'il s'accouple. La raison pour laquelle le film est si étrange, c'est pour la voix doublant le chien. Car Maxime Leroux arrive à très bien retranscrire le côté obstiné, déterminé et vindicatif de Baxter. Les choses que le chien observe sont toujours intéressantes et perspicaces, ce qui aide à amener une atmosphère absurde, car nous n'associons généralement jamais les chiens à ce qu'on pourrait appeler des flèches au niveau intelligence. La conclusion du film est incontestablement choquante et surprenante. Elle fonctionne très bien. Dans l'ensemble, Baxter est un film trop étrange pour être ignoré, et je le recommande complètement. Voilà, ça je l'avais dit. Ensuite, le critique DFC2 américain, donc en 99, qui met 9 sur 10 au film. Humour sombre et amer comme titre. Une représentation graphique de la cruauté et du détachement émotionnel qui peut se retrouver dans la vie quotidienne. C'est aussi drôle que troublant. Pas sûr que le réalisateur ait eu conscience de la puissance potentielle de son film. Il en ressort une profondeur émotionnelle insuffisante. Boivin aurait dû y mettre plus de cœur et avoir plus d'empathie pour les personnages qu'il décrit. Ensuite, une critique de Coventry de 2005 qui met 7 sur 10 au film, qui nous vient du Marais des âmes impies. Bon, là, c'est ce qu'il met comme provenance. Le titre, donc, « Où diable est la scie quand on a besoin de lui ?» La critique, un thriller slash comédie noire français, bizarre, mais vraiment original. Étrangement effrayant et dérangeant. Même si vous savez que le pitch de base est une pure fiction farfelue, les réflexions du Bull Terrier nous suivent tout au long du film. La vie de Baxter n'est pas facile, car il a des maîtres qui ont tous des défauts. La vieille dame, qui le reçoit en cadeau, le craint clairement et ne voulait pas de lui au départ. De plus, elle l'infantilise. Le jeune couple ne s'occupe plus assez de lui quand le bébé arrive. Et enfin, le garçon solitaire introverti qui lui enseigne des astuces et ordres et qui le transforme lentement en machine de guerre agressive. Bien qu'il n'y ait aucune violence montrée à l'écran, l'ambiance est macabre et malsaine, notamment du fait des monologues tordus de Baxter qui montrent qu'il a des projets néfastes envers la vieille dame et envers le bébé. Le critique, la Coventry, dit d'ailleurs que Maxime Leroux aurait pu faire carrière dans les anthologies d'horreur, pourquoi pas, pour employer à nouveau sa voix. L'esprit humain sera toujours plus dérangé que celui d'animal, et encore plus lorsqu'il s'agit d'un enfant, qui est loin d'être innocent, contrairement à ce que l'on peut penser. Bref, ne vous attendez pas à une fin heureuse ici, un film hautement recommandé, ça y a pas de surprise. On sort un peu des anglo-saxons avec une critique qui nous vient de Rome, de Effeto Kirlian, qui met 7 sur 10 au film. Une critique toute récente, puisqu'elle est d'avril 2017, titrée donc « Une sombre exploration de l'esprit bestial ». Et ce qui nous est dit, c'est que le film est situé dans les banlieues belges. Baxter est loin d'être Scooby-Doo ou Beethoven, car son comportement est plus réaliste et bestial, même si on entend ses réflexions. On découvrira assez vite que Baxter est une créature avec un caractère fort et des goûts changeants qui emmènera l'histoire dans des directions inattendues. Film occasionnellement humoristique, mais globalement très sombre et sérieux, il explore l'aspect bestial aussi bien chez les animaux que chez les humains, et les avantages et inconvénients d'une obéissance aveugle. C'est un film que j'ai vraiment apprécié. Dans les critiques IMDb, on a aussi un Français qui revient beaucoup, je l'avais déjà croisé pour les Delon par exemple, et qui en 2001 avait marqué, donc il s'exprime en anglais mais c'est un Français, donc du DB Dumontel. Donc le titre ça serait « Le mal a ses propres voies, ses propres chemins ». Alors il est étonné que ce film soit aussi connu, c'est un sentiment que je partage, soit aussi connu par les étrangers, alors que aujourd'hui en France, il est connu par un petit cercle qui devient peut-être de plus en plus étroit au fil des ans. Le but, c'est aussi de remettre en lumière ce film. D'ailleurs, il y a peu, c'est un constat, il y a peu de commentaires français sur IMDb. Ça s'explique aussi par le fait que nous, Français, quand on a une critique à faire sur un film, on va plutôt sur le ciné, d'ailleurs. C'est ce que je viens de vous dire, il y a eu 62 critiques écrites pour ce film-là sur le site. Donc, si je reprends, dommage que Boivin n'ait pas poursuivi une plus longue carrière. Baxter est imparfait, pas toujours convaincant, surtout après l'apparition de l'enfant diabolique au visage d'ange. Mais, et c'est crucial, il s'agit d'un travail exigeant, compliqué et unique. C'est différent de ce que font habituellement les réalisateurs français. Un équivalent qui lui vient à l'esprit dans Les Enfants Diaboliques, ça serait Kate Winslet dans Créatures Célestes de Peter Jackson. Dans son monologue, Baxter recherche un humain qui ne connaît ni amour ni peur. Ça fait écho à Richard Matheson et sa nouvelle High Monster, dans Les Mots du Chien, notamment lors de la scène du bébé. Pour le garçon, il est fasciné par le nazisme, sa famille est inoffensive. Le père joué par Jacques Piesser, seul acteur un peu connu du film, notamment La Victoire en chantant de Jean-Jacques Hano, est un peu apathique, mais semble être un bon homme. Cependant, ça ne semble pas être la figure paternelle dont le fils vicieux rêve visiblement. Lorsque l'enfant et le chien se rencontrent, la tragédie n'est pas loin, il n'y a pas de fin heureuse, les dernières pensées de l'enfant vous feront froid dans le dos. Baxter est définitivement un film à retenir et à réhabiliter. Ensuite, on revient aux États-Unis avec Benjamin Telushkin, qui met 10 sur 10 au film en 2006, un film d'atmosphère, le titre, et qui nous dit tout de suite « Waouh, c'est un film qui, une fois vu, vous reste en mémoire très longtemps après. L'atmosphère est géniale, l'intrigue est sombre, le pitch de départ est magnifique. Savons-nous ce qui traverse l'esprit des chiens ? Il y a de quoi s'interroger après avoir vu le film. » Autre américain, Joseph Oulibas de Sacramento, qui en 2005 met 9 sur 10 au film. Titre sa critique, film sombre et tordu de France. Ce qu'il rajoute un peu plus, c'est donc un film fou français avec un Bull Terrier qui pense comme un humain. Ça, c'est classique. Mais il remarque que justement, même si Baxter échoue à la fin à tuer Charles, sa mémoire vivra toujours au travers du garçon. Et qu'il en retire que le film est un grand thriller intellectuel et psychologique sur un chien avec un cerveau qui vogue vers l'humanité. Il a adoré le réalisme brutal. C'est un film terrible, sous-estimé, hautement recommandé. Tiens, quelle surprise. Ensuite, la critique de Valan qui nous vient des Enfers, de 2002, qui met 10 sur 10 au film, donc stupéfiant comme titre. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps avant de voir ce film absolument incroyable. Je le recommande à tout le monde. Oui, c'est très dérangeant et vous pouvez vous sentir dégoûté, mais c'est un superbe film. Prenez le temps de le voir. Bon, critique rapide, simple, efficace. Ensuite, Phil Omise, voilà, 2001, qui met 6 sur 10 au film. Lui, par contre, était intrigué par la jaquette. Il se dit que peut-être avec un meilleur marketing, le film serait plus facilement identifiable. Alors, il a trouvé le film délicieux à certains moments, mais il était déprimant. Ça lui donne l'impression d'assister à un accident de la route sans pouvoir en décoller les yeux, le côté voyeuriste. Donc, il se plaint que, par la jaquette, il ne pensait pas tomber sur un film aussi sombre. Il pensait que c'était un film avec un chien faisant des commentaires sociaux « mignons » entre guillemets sur les travers des humains. La jaquette ne disait pas qu'il s'agissait, au fait, d'un voyage existentiel dans l'esprit sociopathique d'un Bull Terrier qui ne vit que pour servir ou détruire les autres. Il trouve cependant qu'il y a certaines scènes hilarantes, comme par exemple quand Baxter critique le bébé, pensait que les parents essayaient de s'excuser pour ce gâchis qu'ils avaient conçu. Pour le reste du film, donc Phil s'est trouvé mal à l'aise. Ensuite, on a Mitch 38 de Houston, qui en 2000 a mis 8 sur 10 au film. Le titre donc de la critique, Une vie de chien. Et il nous dit donc que c'est une histoire, un conte étrange, humoristique et troublant d'un chien, de son processus de pensée et de ses maîtres. Baxter ressent leurs peurs, leurs doutes et les siennes. La façon dont il agit ou choisit de réagir est imprévisible, d'où le côté divertissant du film. Certes, le chien n'est pas adorable, car ses pensées sont parfois malheureusement mauvaises. Pourtant, les côtés de sa nature torturée se posent et apportent un équilibre émotionnel. C'est pour le moins un film très stimulant. Ensuite, la critique d'Anonymous, qui nous vient de Pennsylvanie en 1999. Le titre donc, de sa critique, dérangeant mais distrayant. Il est lui aussi tombé par hasard sur le film dans un vidéo club. Il a un faible personnel pour les Bull Terriers, qui sont des chiens idéaux pour ses films décalés. Il prend l'exemple de Frankenweenie de Tim Burton, ou encore les livres Le Palais du Fou Rire de Jonathan Carroll, ou celui donc, et donc Le Jardin d'Abdul Ghazazi de Chris von Hulsburg, c'est l'auteur du livre Jumanji. Pour lui, il y avait donc trois fois le mot dérangeant sur la jaquette, ce que le film est réellement, donc il n'y a pas de mensonge sur la marchandise. Il trouve aussi que le film est magnifiquement réalisé. Ce n'est pas un film pour les enfants, ni pour un rendez-vous amoureux. Assurez-vous qu'il soit sous-titré, pas doublé. On ressort des États-Unis avec une critique de Patricio de Buenos Aires, qui met 7,5 sur 10 en 99. Le titre, donc, La Parfaite Marionnette. Et il nous dit que même si je n'aime pas les films français, Baxter m'a surpris. L'amitié inquiétante entre le chien qui pense et le jeune garçon effrayant avec un visage d'ange, mais qui a un côté sombre croissant, est effrayant. Cela rend l'intrigue très attrayante et originale. Et enfin, il nous reste trois critiques qui sont très rapides. Celle de Bio Cloner, donc un américain de 2002. Le titre, donc, découvrez ce que le chien de famille pense vraiment. Le film, donc, montre les mauvais désirs envers l'homme et les bêtes. Par exemple, l'envie de Baxter de tuer des oiseaux. Et la scène la plus mémorable est celle où il se fait attraper en essayant de noyer le bébé et fait semblant de le sauver. La critique de God 42 de 2000, qui met 10 sur 10 au film. Ce film changera la façon de regarder les chiens qui parlent. Baxter est inextricablement existentialiste, indubitablement français et incroyablement mauvais. Un film français qui se moque des films français, un chien rempli d'ennui, de peur et de dégoût, un croisement entre Herostrat et Babe, un cartoon cruel, un très mauvais chien en effet. Et enfin, Paclar, qui est américain, qui nous vient de Virginie, qui met 4 sur 10 au film en 2002, titré donc une grande performance dans un petit film brouillon. Et lui, peut-être quand même de finir sur une critique négative. Alors Paclar sauve en fait l'interprétation du jeune garçon, une performance hautement crédible. L'exercice est morbide, il n'y a pas grand chose à sauver dans Baxter, le reste des personnages ne sont pas très bien développés et la mort du chien est risible. Donc voilà pour ce qui est des critiques spectateurs IMDb. Il nous en restera d'autres à voir pour ce qui est du côté des critiques professionnelles et mondiaux qui sont surtout anglo-saxons, mais il y aura par exemple une critique très rapidement allemande et une autre turque. Le film a suscité beaucoup d'articles de la part de sites étrangers. Alors je vais en résumer quelques-uns, j'en ai traduit et résumé quelques-uns. Alors par exemple, il y a Absolute Aurore, qui a fait un article en octobre 2007, qui dit de ne pas tourner le dos aux Français. Alors, on suppose que c'était aussi du temps de la fâcherie ou le fait que les Américains s'étaient vexés sur le fait que la France ne participait pas à la guerre en Irak. Ça, c'est encore autre chose, mais ne tournez jamais le dos aux Français, surtout pas à leurs cinéastes, parce qu'ils peuvent être aussi inventifs et tarés que les Japonais. Bon, ça c'est un point de vue, pourquoi pas. Baxter en est la preuve. Vous ne me croyez pas? Eh bien, essayez les 5 premières minutes où un enfant a volontairement planté une punaise dans sa paume. Et si cela ne vous effleure pas, eh bien, essayez le synopsis de l'intrigue. Donc là, il continue sur le résumé de l'intrigue, ça on la connaît. Et donc, l'auteur de l'article s'étonne, enfin, ou interpelle les lecteurs en disant « C'est vrai les gens, les Français ont bien fait un film sur un bulle-terrier tueur en série. » Bon, bien sûr, quand on connaît le film, il faut un petit peu quand même nuancer les choses. Il existe beaucoup de choses à propos de Baxter. Première chose, le tutu ne va pas très bien à un bulle-terrier. Deuxième chose, cela peut créer le dégoût de voir un chien tuer une vieille femme parce qu'il n'aime pas vivre avec elle. Cela empire quand le chien menace de tuer un bébé. Cela rappelle, par exemple, les romans de Stephen King, comme si on avait combiné Cujo avec un élève doué pour le petit garçon Nazillon. Ou peut-être aussi avec Minuit 4 et la partie sur le molosse surgit du soleil. L'auteur revient sur le fait que les tutus ne vont pas du tout au bulle-terrier, que c'est tout simplement ridicule et pourtant en même temps, il est plutôt convaincant, mais de façon étrange. Baxter n'est pas ce que l'on peut qualifier de film véritablement effrayant, mais il y a une certaine innovation. Un film de tueur en série filmé du point de vue du chien, certainement inhabituel, et cette innovation mérite qu'on s'y intéresse. Baxter est plutôt bon, mais aussi très étrange. Comme une nouvelle odeur ou un premier amour, c'est au-delà de ce qu'on connaît, d'une manière à la fois convaincante mais aussi répulsive. La fin est en fait assez effrayante. Pour un certain nombre de raisons, les 10 dernières minutes de Baxter devraient faire peur à presque tout le monde. Dans l'ensemble, on peut considérer que le film commence lentement et maladroitement, mais à la fin, le film est une véritable tuerie d'une force sans précédent. Je suis très surpris par Baxter et selon toute vraisemblance, vous le serez aussi. Donc ça c'était pour Absolute Horror en 2007. Il y a aussi donc le Austin Chronicle avec Mark Savlov qui a délivré un article en juin 1991 puisque, pour petit rappel, le film est sorti aux États-Unis en novembre 1990, donc on va dire un an après la sortie française. Alors ce qu'il dit en plus, c'est par exemple sur Madame Deville, la vieille femme, qui commence une descente dans la sénilité, qui achète un petit lit à Baxter, essaye de lui faire prendre des bains avec elle, et qui finalement, à mesure que sa folie progresse, refuse même de le laisser sortir de la maison, sans être trop pour Baxter, et avant que vous puissiez dire « c'est la vie d'un chien », la vieille femme est morte, son cou cassé au bas de l'escalier. Est-ce que Baxter l'a fait? Probablement, mais Boivin laisse cette réponse intentionnellement vague. Bon, dans le roman, c'est moins vague. Sa prochaine maison est de l'autre côté de la rue, avec un couple de jeunes mariés. Au début, Baxter se réjouit de ses nouveaux maîtres. Ils ont l'odeur parfaite et lui permettent de parcourir le jardin autant qu'il le souhaite. Bientôt cependant, un enfant est né et son intérêt pour le chien diminue de façon alarmante. Baxter se penche sur ce nouvel ajout à la famille avec mépris et décide bientôt de s'en débarrasser. Son plan échoue et tout d'un coup, Baxter a un nouveau maître. Un jeune garçon calme et sombre, obsédé par la vie d'Hitler et d'Eva Braun. Ceci, enfin, pour Baxter, est le bon maître. Le garçon lui apprend à s'asseoir, à parcourir, à attaquer. Il commande, j'obéis, pense Baxter, et ça lui suffit. Et donc, cette critique se termine par « Comme son butailler vedette, le film est rigide, comique et froid. La logique du chien est dérangeante de façon cool et animale. » En effet, il semble penser comme un expert comptable dérangé, critique originale. Baxter va où Benji la Malice est la scie, voire même Ratatin, craint de s'aventurer, et ce faisant révèle exactement pourquoi votre facteur devrait avoir peur. Nous avons également un article très intéressant du site Bright Lights de Robert Castle qui a écrit en avril 2004 avec un titre « Film dérangeant, le côté affreusement normal de la vie ». Alors il est assez long, donc je vais lire vraiment ce qu'il nous apporte en plus. Alors les différents points, première chose, le simple concept du film ne doit pas nous perturber. Vous acceptez immédiatement le concept de base. Et même avec cela, vous n'arriverez jamais à anticiper où le film vous emmènera. Ensuite, se sent-on en sécurité dans notre humanité en ce qui concerne les sentiments des animaux? Quelle est cette nature de l'autre côté de l'humanité? Baxter révèle un enchevêtrement de désirs et de ressentiments, nous fait ressentir la petitesse humaine et son absurdité. C'est-à-dire, lorsque les choses se passent selon son goût, Baxter est un chien amical et aimable, un chien avec un sentiment de la morale pas si faible que ça. Par contre, lorsque les choses se passent mal, nous avons affaire à un Baxter malheureux, privé de ses désirs immédiats, qui trace des schémas pour satisfaire ses sentiments indépendamment de toute moralité antérieurement exprimée. Par ses sentiments négatifs, Baxter détruit toute la représentation passée et future des films avec animaux parlant, même intérieurement, et agissant comme des humains. Il y a aussi un passage qui n'est pas évoqué forcément dans les autres critiques, c'est le passage où le garçon, Charles, pénètre dans la maison abandonnée par la famille de Madame Deville, et où il se trouve là où Baxter avait l'habitude, à une fenêtre, de regarder vers la propriété de l'autre côté de la rue, où vivent le jeune couple. Ça mène donc à un effet miroir. Ça, par contre, l'effet miroir, il est souligné dans plusieurs critiques. On ajoute dans cet avis que le garçon est ignoré par ses parents, qu'il aspire, tout comme Baxter, à appartenir à une nouvelle famille. Le va-et-vient de chien à humain et de humain à chien complète un transfert d'identité semblable à la fin du film Le Locataire. Et donc, on a l'image du ruban de Mobius. Et l'article se conclut par le ressenti du film par l'auteur. Peut-être que les plus grandes œuvres d'art entrent dans notre conscience et accomplissent la même opération déconcertante et inquiétante. Le travail artistique qui impressionne trop facilement devient suspect esthétiquement parlant. Entre guillemets, le film perturbant accélère le ressenti esthétique et n'est pas faux. Sur ce plan, les films perturbants sont généralement rejetés par les critiques traditionnelles parce qu'elles ne leur semblent pas esthétiquement agréables. Et donc, si on résume, l'auteur nous dit simplement qu'un film peut être grand ou une œuvre d'art peut être grande si on s'en souvient longtemps après l'avoir vu, l'avoir ressenti, des choses qui aussi nous secouent intérieurement. Donc certes, on peut le ressentir devant des œuvres d'art qui sont faites pour plaire, mais aussi devant d'autres qui ne sont pas belles, on dirait comme Baxter finalement, mais qui nous interpellent. Et finalement, d'après cet auteur, elles sont beaucoup plus méritantes, parce qu'elles ne sont pas faites pour plaire à la base, elles sont faites pour interpeller. Et là, pour lui, Baxter y arrive pleinement. Alors nous avons aussi une critique du site DVD Talk, qui parle plutôt du support qui est sorti aux États-Unis, donc le DVD de Baxter. C'est un article de Bill Guybron de juillet 2007. Là aussi, parler du DVD en lui-même, c'est pas très intéressant. Juste ce qui peut être original par rapport aux autres critiques, donc je le dis vite fait. Le fait que le critique, donc Bill Guybron, nous prévienne que Baxter n'a absolument rien à voir avec le genre horrifique, malgré ce que peut laisser supputer la jaquette, le marketing, il accentue sur la mise en avant de l'anarchisme animalier, donc ça on ne le retrouve pas forcément partout, et il dit que Baxter n'est pas un Cujo européen. Nous ne sommes pas sur le point d'assister à un remake de Max, le meilleur ami de l'homme, dans les quartiers post-parisiens. Au lieu de cela, il s'agit d'un commentaire social surréaliste dans lequel les humains sont beaucoup plus horribles que leurs chiens. Ensuite, on nous dit que Baxter est un petit film oppressant, qui n'est pas bâti sur le schéma d'un chien tueur qui assouvit sa soif de sang dans une population locale inconnue. Et on reconnaît que le réalisateur a complètement transformé les lieux communs habituels des films humains-animaux pour créer justement une sorte de commentaire social en trois parties. Il est clair que chacun des maîtres de Baxter est censé représenter un élément triste ou psychologiquement insensé de l'être humain. Que ce soit de la vieille femme méchante et rejetée, à la violence méprisante d'un préado et de son admiration pour le pouvoir exercé par Hitler. Entre nous, nous voyons comment la procréation détruit la personnalité individuelle et comment l'adultère adoucit l'interaction familiale. Le critique nous dit également que le film devient l'équivalent cinématographique d'un accident de voiture, d'une calamité dont on ne peut détourner les yeux, qui devrait amener la PETA ou la SPA à protester éternellement. Il y a aussi des points qui alarment comme la subversion sexuelle étrange qui est volontairement transmise par le réalisateur. La scène du bain par exemple, où Madame Deville invite Baxter, qui visiblement écœure le critique. Et le critique trouve qu'il y a une escalade dans l'exaspération que peut nous créer le film, que ce soit la partie justement où Baxter projette de tuer le bébé dans l'étang. Et enfin, la dernière partie avec le préado, entre les coups de fouet pour ne pas avoir tué un inconnu et le fait d'avoir tué intentionnellement les chiots de Baxter, le critique se demande jusqu'où on ira dans cette harangue anti-humaine. Et donc la réponse vient dans le final, lorsque notre héros à quatre pattes est confronté à l'enfant à l'esprit tordu. Et la partie critique du film se termine par le fait que le spectateur ne doit pas être choqué par une telle conclusion, qu'il est temps de grandir un peu, puisque 18 ans après le film, bon, la critique a été faite 18 ans après la sortie du film, la société dans le réel ne fait pas mieux. Il n'y a qu'à voir les joueurs de la NFL, donc c'est la fédération de football américain, dont certains joueurs trouvent que les combats de chiens sont acceptables et font partie de leur culture. Ils pensent aussi que des organisations comme la SPA seraient partout dans la production pour garantir la sécurité de tous les animaux concernés. L'un des aspects les plus troublants du film, c'est la façon dont le réalisateur est sans pitié envers sa star animale, sa star canine. Bien que ce soit pour de faux, que ce soit de la tricherie cinématographique, Baxter est puni, battu et on lui lance des pierres. On ne voit pas sa mort réelle, mais il y a une séquence avant où on lui balance des morceaux de béton et de rochers qui ricochent sur sa tête et sur son museau de manière particulièrement convaincante et troublante. Et donc pour finir, le critique trouve que le film véhicule un bon message, mais qu'hélas, il y a une vision un peu confuse et corrompue qui peut amener des critiques de la part des détracteurs du film et des critiques faciles. Il y a aussi quelques remarques rapides sur le fait que le film semble un peu avoir la forme ou la qualité d'un téléfilm. Ensuite, pour le DVD, qu'il manque de bonus qui permettraient d'avoir des explications contextuelles pour éviter justement que les esprits étroits fassent des critiques encore une fois trop faciles. Et donc, le critique conseille néanmoins de louer le film pour se faire sa propre idée. Donc on voit que malgré les réserves, il y a toujours un côté où on conseille ce film parce qu'il apporte quelque chose de différent et qui mérite qu'on se fasse sa propre opinion sur lui. Très vite, il y a aussi une critique du site allemand Sense of View. Là, je vais très vite parce que il y a juste une interrogation sur, par exemple, le fait que le critique, alors l'auteur c'est Florian Bultmann, c'était en 2007, octobre, et il ne peut pas en fait s'expliquer le titre allemand du film. Et en effet, la traduction allemande est un peu spécial, ça aurait pu être tout simplement Baxter. Et en fait, si on traduit, ça nous donne quelque chose comme « Jouez-moi la chanson de la mort ». Bon, c'est très poétique, mais bon, ça, mais bon, il y a quand même de quoi s'interroger. Vite fait, il dit qu'il est très difficile de mettre une étiquette sur ce film. Pour un film d'horreur, il ne fait pas si peur que ça. Pour une comédie, elle offre trop peu d'humour. Et pour un drame, il ne semble pas assez tragique. Bref, ça donne un petit film très étrange. Il y a d'autres critiques plus complètes, comme celle du site The Jet Fuel Review Blog, par Lucas Cifuentes, en mai 2013, qui titre « Baxter, le film anti-chien ». Et il nous dit J'aime les films mettant en scène les chiens, bien sûr, ils sont souvent des peluches insipides. Le problème de ces films, c'est qu'ils suivent tous le même schéma, la même trame. Une personne obtient un chien, ce dernier chamboule la vie de la personne, il est puni, puis la personne rencontre un véritable problème que le chien aide à résoudre, et la personne aime le chien malgré ses défauts, car il sait enfin que ce dernier l'aime en retour sans condition. Parfois, le chien meurt à la fin, mais c'est le genre de film, entre guillemets, chien mort, qui est un sous-genre en lui-même. Ma partie préférée, c'est quand le chien aide son proprio à surmonter le problème, car c'est souvent à ce moment que l'action se trouve. Exemple, arrêter un voleur de banque, réparer un mariage en difficulté. C'est aussi là que la personne perçoit les actions du chien comme de l'amour intrinsèque à son égard. Le côté meilleur ami de l'homme ressort à ce moment. La plupart de ces films peuvent être considérés comme des exemples de nos tendances narcissiques et inquiètes, ces histoires d'animaux risquant leur vie parce qu'ils nous aiment beaucoup. Pourtant, malgré le fait que nous partagions une relation si étrange avec les chiens, il n'y a pas un seul film qui ose explorer le côté le plus sombre de ceci. Comme la plupart des films de chiens, Baxter se centre autour de la relation entre un garçon et son chien. Charles, le petit garçon, lui apprend à obéir, à s'asseoir, à se courber, mais aussi à tuer. Comme le dit son père, il passe par une phase. C'est ce qu'il décide de penser lorsqu'il tombe sur le classeur rempli d'articles sur Hitler et son bunker. Bref, pour le père, tous les garçons aiment jouer à la guerre. Dans l'imaginaire de Charles, il a même une petite amie, Eva Braun. Baxter et son Blondie, la chienne d'Hitler, qui a une histoire triste et terrible. Pour ceux qui ne savent pas, c'est sur Blondie qu'Hitler a testé les pilules de cyanure pour se suicider, lui et Eva Braun. Baxter est donc un réexamen effrayant et pervers de notre relation avec les chiens qui utilise la barbarie de la Seconde Guerre mondiale pour refléter l'inhumanité avec laquelle nous nous traitons les uns les autres. Bien qu'il soit profondément troublant, l'utilisation de l'humour noir tout au long du film aide à faciliter son visionnage. Baxter, passionnant et attristant, est le film anti-chien ultime. On peut lire aussi la critique du Washington Post par Al Hinson, qui a écrit donc le 5 avril 1991 « C'est littéralement une vie de chien. La merveille de Jérôme Boivin nous enfonce profondément dans ce point de vue canin. Baxter voit la vie à travers des questions simples. Il aime rôder dans le jardin, regarder par la fenêtre, observer les oiseaux. Il aime les humains, leur odeur, mais ils amènent des complications dans sa vie. Il sait que sa première propriétaire ne voulait pas de lui. Elle lui demande des choses simples, veut simplement l'aimer et le garder auprès d'elle. Mais étant décalé, Baxter n'en a cure des démonstrations d'affection. Voir la scène du bain avec Madame de Ville, ça va trop loin pour lui. Il pense « Elle n'aime pas ce que j'aime. Elle doit donc mourir. » Baxter a la voix de basse rude, qui ressemble à celle de la bête dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau, veut une compagnie humaine, mais elle doit répondre à bon nombre de critères. Ce qu'il désire, c'est quelqu'un comme lui, quelqu'un qui ne se soucie ni de la peur ni de l'amour. Ce ne sera pas le cas avec le jeune couple non plus, qui est de moins en moins attentionné à son égard. Il pense que la femme doit être malade quand elle est enceinte. Pour Charles, leur relation est un bonheur dans les premiers temps. Les courses d'obstacles, les démonstrations d'obéissance, le « il commande, j'obéis »,« je n'ai plus de pensée non naturelle » qui viennent à l'esprit de Baxter. Bref, Baxter est un personnage glorieux. Quand le film se concentre sur lui, il est riche d'une atmosphère d'humour macabre. Le chien a de la poésie en lui. C'est un philosophe avec un sens très précis de la réalité et de ses propres besoins. Avec ses yeux lointains, sans expression et son museau long, légèrement mélancolique, il est un sujet formidable de cinéma, une sorte de Buster Keaton canin. Pour toute cette originalité particulière, Baxter est une expérience totalement satisfaisante. Les autres personnages sont moins intéressants. Jusqu'à ce que Charles se présente, nous ne sommes pas sûrs des thèmes que les cinéastes veulent explorer. Les liens entre le désir de Baxter de se soumettre et les impulsions fascistes de l'enfant ne correspondent pas aussi soigneusement qu'ils n'y paraissent. En fin de compte, Baxter apprend une dure leçon qui est applicable aux humains également. Le film est assez français pour nous amener sur le terrain de cette allégorie. Mais ce que nous voulons, c'est Baxter tel qu'il est. Simple, amoral, énigmatique. Ce n'est pas le meilleur ami de l'homme, mais c'est son propre. On a aussi une critique de Full View Driving par Nicolas Cheffaut, très rapide. Il nous dit donc, contrairement au joyeux film pour enfants avec des chiens, Baxter a pour propos un butailleur tueur qui raconte comment il est malheureux dans sa vie avec les gens et comment il élabore des stratégies, notamment pour arriver à ses fins. C'est le jeune garçon fasciné par Hitler qui lui fait connaître les pires choses. Cependant, le film ne prend jamais la tournure de quelque chose d'effrayant, d'outrageux, de dérangeant et ou de potentiellement mystérieux et devient prétentieux et sans valeur. Comme quoi, voilà, je mets aussi des critiques qui ne sont pas forcément favorables à Baxter. Il reste une critique d'importance quand même, celle du New York Times de Vincent Canby, donc du 7 novembre 1990. Visiblement, le film est d'abord sorti à New York, puis après dans le reste des États-Unis, dans un petit circuit durant l'année 91. On nous dit « Comme Lassie, Baxter est un film sur un chien, mais contrairement au film pour enfants, il est grossier et désagréable dans ce corps blanc, sale et trapu de bull terrier. Ce n'est pas un film comique, il n'est pas un chien de berger, sauveur de bébés faibles ou à faire pencher sa tête, à écouter la voix de son maître. Baxter est son propre maître. » Et a sa propre logique. C'est un très bon film, vulgaire et désorientant. Premier essai de Jérôme Boivin avec l'aide de Jacques Audiard. Sa satire est cynique, souvent drôle, parfois méchante et à la fin un peu sentimentale. Le film ne se gêne pas avec les incohérences, comme les conversations non suivies par Baxter et dont il a pourtant connaissance. Le film se situe dans un monde bourgeois, banlieusard et engourdi. Il pourrait être autrement plus sombre, car les moments de comédie vicieuse deviennent des scènes plutôt disposées et amenées de façon aléatoire. C'est un film exceptionnellement intelligent et modeste. Boivin utilise la forme de la fable avec retenue. Il dure 82 minutes sans fioriture, ce qui est un point positif, car il n'y a pas ce côté « m'as-tu vu ?» et « poseur ». Pour la partie site étranger, je finis donc avec trois critiques assez rapides. Celle de TV Guide, qui met 3 sur 5 au film, qui nous dit qu'il est une représentation extrêmement sombre, nihiliste et parfois horriblement graphique. Le chien est inhabituellement intelligent, ce qui entraînera sa chute. L'enfant nazi ne supporte pas le mélange des races canines. L'ensemble s'avère être un film très original et unique en son genre, un mélange horreur, conte, comédie, avec un ton sardonique, et que la réalisation permet de capturer et de maintenir son humeur sombre. Ensuite, le site Where the Long Tail Ends, avec un article de Matt Gamble de septembre 2008, qui nous dit rapidement que le film est tout à fait unique à regarder, que Baxter ne peut tout simplement pas comprendre comment résoudre ses sentiments contradictoires, et à cause de cela, son ressentiment envers toutes les créatures humaines ne fait que grandir. L'enfant est le miroir de Baxter, avec les parents qui ne s'aiment plus l'un l'autre. Et ces derniers ne portent que peu d'intérêt à Charles, ce qui le pousse à s'enfermer plus encore dans sa coquille et dans sa perversité. Il devient asocial et s'enfonce dans son univers avec différentes reliques. Il se fait une idée fausse de Baxter, dans le sens où il pense que c'est un tueur acharné. Et cela va détruire leur relation, puisque Charles croit contrôler un monstre. Le twist est surprenant, c'est un film qui n'est pas facile à regarder, il oblige le spectateur à s'investir dans les personnages, peu importe leur apparence monstrueuse. Il y a enfin un article très récent du site Yellow Barrel, de mars donc 2016, avec John Zwack en critique, et qui le titre par « Un chien qu'Hitler aurait apprécié, semble-t-il ». Baxter est un film très étrange et probablement l'un des meilleurs films mettant en scène un chien tueur, habité peut-être par l'esprit d'Hitler. Bon, ça c'est son point de vue. Il y a un problème de cohérence dans la scène de la fosse avec le refus de Baxter de tuer le camarade de classe de Charles. Quelque chose semble avoir été mis de côté, car Baxter semble trouver Charles, d'habitude, plutôt accommodant et digne de respect. Donc pourquoi ne tuerait-il pas pour lui ? Au final, personne ne veut vivre sous le totalitarisme, car cela gomme toute tentative d'individualité. C'est un film assez solide et sinistre pour être effrayant, mais il manque peut-être une scène dont parle le critique par rapport à la fosse. Mais bon, dans le roman, on a vu que c'était assez logique, ce refus de Baxter de se battre. Donc voilà pour ce qui est des critiques des sites étrangers. On peut passer maintenant aux critiques sur Allociné, IMDb et Sens Critique. Bon, allez, vraiment, pour que vous ayez la version définitive, la version totale, la version uncut, quelques bonnes critiques justement de Sens Critique. Tout d'abord donc celle de The Duke de février 2013 qui met 8 sur 10 au film, qui nous dit donc que c'est un modèle du genre, mais alors quel genre ? Je ne saurais dire. Mais ce genre de film où un facteur fantastique ne trouble pas la réalité dramatique des événements. Une vraie bouffée d'air frais. J'ai entendu pas mal de choses sur ce film et là, je tombe sur une perle, une vraie. De l'originalité scénaristique, de la vraie. Rien de comparable avant, rien de comparable après. Une perle, je vous dis, plusieurs points de vue pour vous éclairer. Un scénario original qui peut paraître un peu barré mais qui au final est très terre à terre. Un scénario assez saugrenu en soi, qui bénéficie d'un recul remarquable sur le propos réel tenu. Car oui, le chien est en sorte un héros malheureux. Mais ce n'est pas lui dont le film parle en vrai. Dans le fond, ce sont les vies qui tournent autour de lui. Et oui, grande prouesse, un chien crée de la densité. Un simple chien crée des personnages, personnalise une histoire, lui donne du sens. Cela est époustouflant en sachant que certains acteurs n'ont pas ce talent pour donner vie à un rôle. Un scénario profond, des histoires concrètes, un vrai fond, des vrais personnages. Dans le film, Baxter se dit fort et ne supporte pas la faiblesse. Mais la faculté la plus importante qu'il possède, c'est un regard critique de non-humain. Voilà le comble de ce film. Et au final, Baxter est un chien qui d'ailleurs possède plus d'humanité que certains des protagonistes. Comme ce gosse sans pitié, sans cœur, sans âme, rongé par la haine, la douleur et la violence. Ce film résonne un peu comme un pamphlet de la liberté. Pour être libre, il faut savoir vivre en conséquence, sans code, en fonction le plus souvent de nos sensations. Alors, ce film est violent par moments, par la froideur des dialogues, par la froideur de cet univers très sombre, très vide. C'est Baxter qui donne sa raison d'exister à cet univers qui, sans lui, n'a aucune raison d'être. Baxter opère comme une sorte de mise en profondeur du vide de la vie de ces individus insignifiants, plein de vide, mais surtout de souffrance. C'est là que le regard de Baxter prend son importance. Il agit en fonction de sa force, de ses ressentis, et voit qu'ils vivent faiblement et sans pulsion. Son cri de rage final, « N'obéissez jamais », fait figure de slogan anarchique. Tous ces humains sont insignifiants par leur incapacité à poursuivre leurs désirs, à oublier leurs frustrations, à vivre leur vie. Ils sont tous incapables de poursuivre leur existence comme autre chose qu'un principe en trois termes. Reproduction, violence et mort. Voilà ce qui anime les hommes et que Baxter trouve insignifiant. La faiblesse de l'être humain face à ses pulsions, face à son être, l'homme est en perpétuel renoncement de lui-même. Outre l'intérêt de l'histoire, la réalisation est impeccable, pas réellement de fantaisie, mais une maîtrise exemplaire du sujet. Des cadrages, des effets en tout genre, tous maîtrisés et bien sentis, il y a une formidable fluidité de l'ensemble, une cohésion de bout en bout, avec des phases de séquences très imagées, du sous-entendu, du suggéré. C'est parfait pour un sujet aussi profond, pas besoin de mille fastes dans la réalisation, bien au contraire, c'est admirable. Un film qui a bien d'autres qualités que tout le monde peut voir en le visionnant. Un film intelligent, très bien réalisé, avec des acteurs haut niveau. Un film qui ne rentre pas nécessairement dans les codes, mais qui en brise certains. Donc voilà, je voulais vraiment lire cette critique parce qu'elle est très complète et très instructive. Pour le reste, il y a encore quelques éléments intéressants dans d'autres critiques. Je vais les faire véritablement plus courtes parce que c'était prévu que cette partie soit longue. Mais bon, au bout d'un moment, on a compris les choses. Donc, je vais vraiment concentrer ce qui reste de critiques sur les points importants. Donc, par exemple, celle de Pravda de février 2013 qui a mis 7 sur 10 au film, qui appréhendait un petit peu le visionnage de Baxter. Non pas qu'il ou qu'elle ait eu peur que le film soit mauvais, mais le film lui laissait prévoir un léger malaise, ce qui fut le cas. Baxter est un film assez inclassable. Il peut se voir comme une critique acerbe des comportements humains, surtout dans ses deux premières parties. D'abord avec la vieille dame, qui, bien que prévenue par son beau-fils, humanise trop Baxter, dans le sens où elle le voit plus comme un compagnon que comme un animal, et ne montre aucune autorité envers lui. Ensuite, pour le couple, il y a la jeune femme qui a pris le chien comme si elle achetait un nouveau bibelot, quitte à s'en débarrasser sans même un regard en arrière quelques mois plus tard, face à un mari qui, lâchement ou juste parce qu'il ne veut pas s'affirmer, laissera faire sans moufter. Dans la troisième partie, Baxter trouve donc un nouveau maître qui est comme lui, ne ressentant ni peur ni amour. Mais les scénaristes ont voulu faire passer un message comme « Réfléchissez, ne soyez pas des moutons, sinon ça peut très mal se finir, pour vous entre autres. » Mais hélas, je trouve le trait trop appuyé, la métaphore grossière. Le film aurait gagné à un peu plus de subtilité, de non-dit, et l'on aurait tout aussi bien compris. Baxter se révèle donc un film à l'atmosphère glauque et dérangeante, ceci aidé par une photographie austère et terne, qui, à coup sûr, vous mettra bien mal à l'aise, et vous laissera un sentiment étrange après son clap de fin. Et j'avoue préférer mille fois être dérangé par un film plutôt qu'y être totalement indifférente. Alors oui, c'est un film bizarre, mais qui vaut franchement le coup qu'on y jette un œil. Et PS, quelle idée judicieuse d'avoir choisi un Bulle Terrier, car ils ont de vraies gueules de cinéma. Ensuite, on a une critique publiée par Zagarok d'avril 2015, qui met 9 sur 10 au film, qui, si on regarde en diagonale, dit que le film a le courage ultime d'utiliser le ton du premier degré absolu, que le chien avec son allure ingrate mais pittoresque permet un regard totalement étranger sur la banalité, il n'y a rien de plus exotique, fascinant, rien qui remette mieux en question le sens profond des attitudes, des pratiques, rien de plus révélateur aussi. L'enfant est l'archétype vivant de l'ingénieur psychopathe, c'est-à-dire à la fois productif, visionnaire, dominateur et dérangé. Magique et trivial, l'ensemble s'inscrit dans un registre de thriller réaliste émaillé d'échappées fantastiques. Jérôme Boivin a réalisé un film particulièrement audacieux et surprenant. Au-delà du principe, c'est toute son ampleur psychologique qui capture intensément l'attention du spectateur. Baxter parle bien sûr de la condition du troisième âge, des jeunes amoureux confrontés à la fin de leur jeunesse et à la parentalité. Il a également des allures de conte grave, avec des épreuves et des héros manichéens, ou plutôt aux fonctions manichéennes qu'ils ignorent, faibles récipients qu'ils sont. Pour mettre ce monde en marche, Boivin s'affranchit des impératifs conventionnels. C'est un reportage cruellement adulte, un peu à la Schizophrénia, le film autrichien de 1983 qui a notamment beaucoup inspiré Gaspard Noé, puisque c'est souvent une référence qui est faite dans les critiques récentes sur Baxter. Donc un peu à la Schizophrénia où l'humanité se repent d'elle-même et trahit les heureux repères, comme celui amalgamant l'enfance et l'innocence. Le seul recul moral qui soit inclus dans cette démonstration est une incitation mélancolique à assumer ses instincts. Je poursuis, il n'en reste plus beaucoup. Donc celle de David Galafasi en août 2014 qui met 8 sur 10 au film. Donc ce qu'il dit, c'est que le film est clairement ce qu'on appelle un ovni. Bon, ça c'est ce qui ressort assez souvent. De par son contexte et de par sa manière de raconter une histoire. David, justement, n'a jamais rien vu de semblable. Les pensées de Baxter sont décrites d'une manière primitive, froide, mais ô combien juste et terre à terre. Il dépeint une humanité faible qui a peur, alors que lui recherche la force et le moyen d'assouvir ses besoins, ses pulsions, ses envies. Justement, ses envies sont aux antipodes de ce que les maîtres imaginent pour lui. Et quand ça ne lui plaît pas, il trouve le moyen de se faire comprendre. Tout du moins, c'est ce qu'il essaye de faire, se faire comprendre. Quoi qu'il en soit, ce film est un bijou, violent, sombre, critique. Le propos pousse à la réflexion sur ce que nous sommes réellement. Et il fallait que ce soit à travers l'esprit d'un chien. Je conclurai par cette phrase, n'obéissez jamais. Bon, j'étais allé dans la critique, mais voilà l'essentiel. Il y a aussi celle de Fat Pooper, qui en avril 2016 a mis 6 sur 10 au film. Il est un peu déçu. Le concept de base est terriblement fort, mais la narration se traîne. C'est d'autant plus triste que les auteurs nous font trépigner d'impatience en montant en parallèle l'évolution du chien et celle du gosse, rencontre que l'on attend donc avec beaucoup d'espoir, mais rencontre qui n'arrive que très tardivement dans le film. Je m'attendais à ce que la relation soit plus développée, plus aboutie, mais il n'en est rien. Il reste heureusement des situations intéressantes et le point de vue canin, qui amène à la fois humour et enrichissement de l'intrigue, même si parfois la voix ne fait que répéter ce qui se passe à l'image. La mise en scène est correcte, disons que sans être génial, il y a des points de vue intéressants. Moi ça me suffit, tant qu'il n'y a pas des filtres dégueux, des plans immensément moches. Je dois même dire que j'aime l'esthétique granuleuse du film. Il y a des passages un peu plus cheap, notamment les vues subjectives. On sent bien que si le réalisateur les emploie, c'est par facilité, sauf qu'il ne soigne pas assez bien son travail de caméra pour que ce soit bon. Les acteurs sont corrects, j'ai surtout apprécié la voix du chien, elle colle vraiment bien. Bref, Baxter partait d'une idée géniale, mais aboutit sur un truc un peu mal branlé, pas assez poussé, pas assez délirant non plus, dommage. On a aussi un invité de marque, Quentin Tarantino, alors qui nous dit que le film se trouve être tout l'opposé d'une série B, mais plutôt un regard sur la société à travers différentes tranches d'âge et divers types de ménages. Il souligne aussi que le Bultalier est un chien méconnu et mystérieux, qualifié de gladiateur de la race canine, ou encore de chien qui pense, et que le regard énigmatique de la race renforce d'autant plus cette atmosphère angoissante du fait qu'on ne sait jamais réellement ce que le chien pourrait s'imaginer. Il y a un point intéressant concernant la vieille dame, c'est le fait qu'elle semble oublier sa famille, et que le fait qu'elle reçoive Baxter en cadeau montre que sa famille, du moins sa fille et son gendre, se moquent totalement des besoins de cette femme, puisque Baxter ne correspond pas vraiment à une demande. Elle se retrouve alors avec un animal qu'elle craint et dont elle ne peut s'occuper. Il y a aussi une remarque sur le dernier foyer de Baxter chez le préado, à savoir plutôt sur sa famille, sur ses parents, avec la mère qui ne semble plus avoir de sentiments pour le père, et que le père d'ailleurs a une maîtresse, et que ces divers problèmes se projettent sur un enfant délaissé qui, sans surveillance, ça donnera des lectures sur le régime nazi. Et enfin, une remarque de Quentin Tarantino, justement, enfin, le critique, sur le village dans lequel l'action se déroule, qui retranscrit également cette ambiance froide et pesante que l'on peut parfois retrouver dans de tout petits villages du nord de la France, ce qui donne au film une ambiance assez morne et assez triste. Et donc la critique se termine par « Baxter de Jérôme Boivin est un chef-d'œuvre du cinéma français, un chef-d'œuvre pourtant abandonné et oublié, méritant d'être connu comme à l'époque de sa sortie en 1988. » Ensuite, rapidement, on a une critique d'Hopkins de décembre 2016 qui met 6 sur 10 au film. Il dit donc que c'est un magnifique film sur la cruauté humaine, que la vision que le chien a du monde va se révéler d'une acuité et d'une lucidité effrayantes, qu'il finira par capituler sous l'implacable cruauté et le joug de la noirceur humaine, que le film joue sur des effets de miroir, que le chien est tour à tour dominant puis dominé, que les êtres humains qui se succèdent se trouvent de plus en plus dépossédés d'humanité et de compassion, l'aboutissement de cette déshumanisation étant incarné par le jeune garçon nasillon rempli de haine. Le film en devient magnifique et tragique. Comprenant qu'il ne peut rien changer à cet être, Baxter donne ce qu'il souhaitait recevoir, vaincu par l'homme. Cependant, la domination de l'homme sur la bête n'est que factice. Elle n'existe que parce que la bête s'y soumet. Un très beau film qui ne laisse pas indemne. On a aussi une critique de Jérémy Da Silva, de décembre 2016 aussi, qui met 7 sur 10 au film. Il commence tout de suite par l'anthropomorphisme, pour le meilleur et pour le pire. Des animaux qui parlent dans les films, c'est la monnaie courante. Mais à quelle fin? Souvent pour des extrapolations sentimentales qui frôlent souvent la mièvrerie et qui ne s'avèrent être qu'une couche de plus visant à l'identification du spectateur coûte que coûte. Ici, Baxter nous exprime noir sur blanc son profond mal-être. Donc il y a un père de famille adultère, des sourires de façade, et lorsque le Baxter nous évoque son envie de s'enfiler la voisine de sa proprio à même le sol de son jardin, on ne sait plus si on doit être choqué ou rire jaune. Ces monologues à fleur de peau où se mêlent cynisme et lucidité m'ont rappelé, à ce titre, ceux de Philippe Naon dans Seul contre tous de Gaspard Noé. La réalisation de Jérôme Boivin est évasive et un poil brute, ce qui rend plutôt bien, puisqu'en se laissant le temps d'instaurer une atmosphère, celui-ci peut ensuite dérouler de façon cohérente à sa guise le fil des pensées sombres de son anti-héros canin. Quelques personnages secondaires auraient gagné à être développés davantage, mais leur présence contribue à rendre le cadre de l'histoire encore plus flou, loin de tout contexte, renforçant par là même le sentiment d'incompréhension de Baxter. Cela m'a fait plaisir de constater que le cinéma français pouvait s'éloigner des stéréotypes en termes de films basés sur la relation entre l'homme et l'animal, notamment des aventures à La Belle et Sébastien. Radical, plus dans le fond que dans la forme, Baxter est un joli pied de nez aux productions actuelles, qui ont un mal de chien, si on peut dire, a finalement laissé la parole aux êtres peuplant cette terre. Tout le monde n'a pas encore baissé son froc, on peut encore mordre les pattes de qui on veut, et ça tombe bien, parce qu'en termes de critique, j'ai les crocs. Et enfin, nous avons une dernière critique de Janos Valouchka, alors décembre 2016, et la critique commence par « Comment parler de ce truc inclassable ?» Déjà dire que ça n'a pas vieilli d'un iota. Certes, je ne le découvre qu'aujourd'hui, mais ça m'aurait guère surpris de voir qu'il était sorti il y a 10 comme 20 ans. En fait, ça fait 30. C'est encore un ovni aujourd'hui, alors je n'imagine pas ce que ça devait être en 1989. Je retrouve dedans ce qui me plaisait dans les premiers Gaspard Noé, Carnet et Seul contre tous. auquel on pourrait lointainement mixer schizophrénie. Outre son aspect hors du temps, renforcé par une photo austère entre du Bruno Dumont et du Michael Haneke, et une quasi-absence d'effets gratuits, le film dépasse largement son dispositif au mieux rigolo, au pire ridicule sur le papier, de chien qui pense tout haut, enfin, en voix off. Il s'agit en fait moins d'un film sur un chien qui critique les humains qu'un essai, un poil misanthrope, sur le genre humain. Le chien n'est que le vecteur existentiel. Il observe, réfléchit. C'est grâce à lui qu'on va s'immiscer dans ces trois familles, différentes les unes des autres, puisque le film choisit uniquement de suivre le destin du clébard, cool en apparence, mais torturé à l'intérieur, frustré, méprisant, refoulé. Le film ne force jamais le trait, et de la violence, nous ne verrons pas grand-chose, si ce n'est justement pas celle du chien, mais celle d'un jeune garçon, obsédé par le Troisième Reich. Le film aurait d'ailleurs gagné à ne pas effectuer de montage parallèle avant la rencontre entre le chien et le garçon, car du coup, on voit venir cette rencontre. On l'attend. On sait que le chien quittera cette vieille femme, qu'il quittera aussi ce couple qui devient parent. Il aurait mieux fallu suivre Baxter comme Bresson suivait Balthazar, sans aucun contre-champ ou presque. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas prêt d'oublier la voix de Maxime Leroux, monocorde et désabusé. Je ne sais pas ce qu'il m'en restera, mais là, à chaud, ça m'a bien secoué. Donc voici pour les critiques de Sens Critique. Voici donc pour cette seconde partie de la quatrième incursion de pellicule et pourriture noble dans le terrain cinématographique curieux et singulier. Petite piqûre de rappel pour dire que l'émission a son compte Facebook, a son compte Twitter, est disponible sur iTunes, sur PodCloud, et qu'il ne faut pas hésiter à laisser un message, que ce soit des remarques ou que ce soit aussi des propositions, que j'examinerai avec une grande attention si c'est faisable. Pour le prochain épisode, eh bien je ne sais pas quand il sortira, car celui que j'avais prévu au programme s'annonce assez chronophage, que je sors à peine de celui sur Baxter, qui a demandé quand même pas mal de temps. Pour ce double épisode, il y a eu un bon mois et demi de travail, sans compter le montage, le nettoyage, etc. Donc je vais laisser cette période Baxter redescendre, et voir où me mènent mes envies, car le menu de l'épisode suivant, qui était prévu, est assez copieux, donc il faut que je trouve le temps de m'y consacrer pleinement. Je verrai vers où cela me mène, soit un épisode moins chronophage, mais je suppose tout aussi intéressant, où je vois si je peux faire un effort pour Noël, toute modestie à part, avec ce que j'avais prévu à la base. On se quitte en outro avec la chanson Ich liebe dich, interprétée par F. Zimmerlin, qui joue Stéphanie dans Baxter, et qui chante cette mélodie quand elle est dans sa chambre en train de se pomponner, avant de retrouver Charles à la décharge, d'un air joyeux et guilleré. Et une petite touche kitsch de la fin des années 80, ça n'a vraiment pas de prix. Plaisir des oreilles. On se dit donc à très vite, merci pour votre soutien, merci pour votre écoute. C'était Monsieur Gravelax, soyez curieux, soyez nuancés, à la prochaine. Sur cette note, on envoie la musique. Tes mots d'amour en allemand.